Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Bonsoir. Bonsoir. Oh là là. Oh, on est bien, hein. On est pas mal. Hein. Mais que serait un floodcast sans invité? Un floodcast qui fait moins de vues, on a les oui. chiffres. Ce qu'on fait quand on... Quand on s'est mal organisé, on a tenté un concept, non, on s'est juste mal organisé. Radio libre, non. Ce qui est très blessant d'ailleurs, parce que les gens font « Putain, mais l'épisode radio libre !» On n'a rien préparé, vraiment, on l'a fait à l'arrache. Donc, nous avons ici à Bordeaux deux invités, et pas des moindres. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à la première. Elle est comédienne, autrice et humoriste, grolandaise d'adoption, elle reprend son spectacle hier, j'arrête. Elle a le nom d'un mouton, la rage d'un loup et la voix de Garou, c'est Douli. Assieds-toi, je t'en conjure. Moi, je suis debout, mais tu peux t'asseoir sans aucun problème. Oui, je savais pas trop. Bonjour, mes petits culs, comment ils vont? Ça fait plaisir de vous retrouver. Quel plaisir de t'avoir avec c'est nous, partagé. Douli. Ah, là, ça fait très on plaisir. Adore Bordeaux, en plus. Très énervé. Belle ville. Très belle là, ville. Là, très magnifique ville. Sauf les gens qui piratent le merch. Bah, ouais, là, les gens sont atroces, mais là, la ville est magnifique. Notre deuxième invité, il est comédien, il est auteur, il est humoriste. Il reprend son spectacle Voir les gens très bientôt le 12 octobre. Un spectacle objectivement génial. Ici c'est chez lui, les Girondins, c'est sa famille. C'est Baptiste Le Caplan. Baptiste Le Caplan. Baptiste. Ah bonsoir Bordeaux. Eh dis donc, t'es gavé excité? Ouais, c'est les termes d'ici, je connais vachement bien. Merci Baptiste d'être ici avec nous. Avec plaisir, alors là mon gars, trop content quoi. Bah c'est un perso, t'es en train de travailler un perso. Ouais, je suis en train de travailler un perso. C'est l'ado un peu dépressif. Ouais, mon père il a divorcé. Donc c'est un floodcast, c'est un floodcast normal, donc on va faire le jeu du floodcast. On va pouvoir écouter le petit jingle qu'Adrien adore. Non alors, justement, comme on est en public... Alors, pour ceux qui savent pas, peut-être si vous êtes là, vous savez sans doute, le jeu du Floodcast, il y avait un jingle fait par Florent qui était. Que j'avais travaillé, que j'avais. Atroce. Ouais. Voilà. De la merde. Oh. Non, je plaisante. Ouais, okay. Non, qui était pas si mal, mais Flo m'a dit ah, oh, ce serait bien que tu fasses un jingle, toi qui es si malin. Et du coup, j'ai fait un jingle. Bon, voilà, en termes de qualité, ça va évidemment grimper énormément. Mais il faut savoir que Flo ne l'a pas entendu. Ouais, j'ai demandé ne pas entendre le jingle. Donc c'est une découverte. Donc peut-être, voilà, une grande chute. Un jingle et bon, bah, musicalement, tu vas voir que c'est quand même autre chose, quoi. Si on peut lancer le jingle. Allez. Les news du Floodcast. Les news du Floodcast. Je suis Quentin Dupieux, le musicien électronique, également cinéaste. À la fin du film, en fait, c'était un rêve depuis le début. Vous l'avez pas vu venir celle-là. Je suis Quentin Dupieux, je vous baise. Je suis un zèbre. Si vous n'avez pas compris mon film, sucez-moi à l'arbitre. Je suis Quentin Dupieux. Les news du Floodcast. Mais il est bien. C'est le vrai, hein. Ben, les news du Floodcast. Alors, c'est des news du Floodcast un peu particulières parce qu'on est à Bordeaux. Oui. Donc, du coup, je me suis dit, on va faire des news du Floodcast sur des faits divers de Bordelais. Des trucs un peu chelous qu'ont fait les Bordelais. Car votre ville n'est pas mieux que les autres, chers amis. Vraiment, il se passe des choses terribles. Alors, un Bordelais, tout simplement, a été placé en garde à vue pour vol d'un sac à main. Il avait commis une vraie erreur qui a permis de le retrouver tout de suite. À votre avis, laquelle? C'est Gérard Lopez? Non. Ah, il fait des blagues, le mec. C'est une private? C'est le président du club de Girondins de Bordeaux. Ah, allez, bim, bah, allez. C'est du vin ou... Je sais pas. Ah, j'ai pas les refs, moi, pardon. Quel Anki, celui-là. Il a mangé une chocolatine. Non, je... est-ce que c'est un rapport avec un système de caméra de surveillance? Non, pas du tout. Est-ce qu'il a laissé son sac à main à lui? Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il a laissé quelque chose sur place qu'il a... Exactement, il a laissé quelque chose sur place. Son fils? Non. Alors qu'il fallait pas le laisser traîner en plus. Bah, ouais. Si tu veux pas qu'il glisse, je veux dire. Après, si tu veux qu'il glisse, vas-y. Si t'es au sport d'hiver, t'as plutôt envie que ton fils glisse, qu'il s'éclate. Laisse-le là. Il a laissé quelque chose, effectivement. Un objet. Est-ce qu'on est sur des empreintes digitales? Pas du tout. Non, de l'ADN? Pas de l'ADN. Non, on n'est pas allé jusque-là. On n'est pas allé jusque-là. Okay. Ça se passe dans un transport en commun. Ça, je peux vous le donner, un petit indice. Comme ça. Il a laissé sa carte Navigo. Alors, pas sa carte. Il a validé sa... son truc de tramway, là. Parce qu'ils ont un tram, là. Non. Bon, ça va. Oh, on l'a vu. Ils vont pas t'applaudir pour ça. Si. Je suis ni plus ni moins le maire adjoint de cette ville. Donc, t'as perdu, gars. Attends, il a dans un transport en commun, c'est un il truc. A laissé quelque chose. Je vous le redis, un bordelais a été placé en garde à vue pour vol d'un sac à main qui appartenait à une jeune femme. Il avait commis une vraie erreur avant ce vol. Avant le vol. Je vous rajoute des petits trucs, voilà. Ah, il avait touché ses fesses ou un truc comme ça. Non, on n'est pas dans l'ADN de dos. Pas très marrant. Ah oui, marrant c'est vrai. En plus, il a laissé un truc, ça n'a rien à voir. Il va pas se mettre une olive tout seul et faire tomber son doigt. Mon doigt qui pue, il reste là. Eh ben, on a le titre du premier épisode. Mon doigt qui pue. Le maire adjoint a le doigt qui pue. On n'est pas sur un objet, t'as dit. On n'est pas sur un objet. Mais non. Une trace numérique? Il a vraiment laissé de lui-même quelque chose à cette jeune femme. Il a laissé quelque chose à la dame. Son numéro. Oh, ouais, il est complètement con. Le 12 avril. C'est pas de ma faute, c'est pas moi. Ne me regarde pas comme ça. Mais c'est débile. Le 12 avril dernier. Attends. À la fille, à qui il a volé le sac? Pardon, j'avais pas... D'accord. Très, très stupide. Ah oui, c'est une technique de pick-up artiste qui marche pas du tout. Ouais. Vraiment. Non, c'est pas le bon, 12 avril dernier, rapporte Sud-Ouest, un homme d'une cinquantaine d'années drague une jeune femme, la trentaine, dans un tramway. Il lui donne son numéro de téléphone, mais celle-ci les conduit. Ah, voilà. Vexée. Donc drague, sans doute, harcelée, plutôt le terme a priori. Sans bien sûr, bien sûr. Vexé, le dragueur vole le sac de la jeune fille en partant, son ordinateur ainsi que son smartphone, mais il avait oublié dans la précipitation de reprendre le numéro de téléphone qu'il lui avait laissé. Les policiers l'ont identifié, ça j'aime bien, les policiers l'ont identifié extrêmement rapidement. Ils l'ont appelé, ils ont fait bah, revenez en fait, revenez. Vous êtes qui? Bah, on est la police. Bien joué. Il y a des techniques de drague, vous, que vous avez testées ou que vous avez subies, je sais pas, Douli par exemple, parce qu'on t'a déjà. Oui, oh là là, moi. Oh la bourlingueuse! Non! Avant de doute, avec une soirée folle. Non, en ce moment, je suis un peu en roue libre, du coup, je me laisse draguer. Avis aux amateurs! J'ai un mec qui m'a envoyé une vidéo de lui en train de niquer une autre nana. Véridique. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, bah, c'est moi, mais j'aimerais bien que ce soit toi à sa place. J'ai dit, mais du coup, la prochaine... C'est ni plus moi une bande démo. La prochaine, tu diras, bah, j'aimerais bien que ce soit toi à la place de Douli. Enfin, je sais pas. Et est-ce qu'elle tenait par exemple ton visage découpé, imprimé comme ça? Mais pourquoi tu me demandes de faire ça? J'ai aussi demandé à un mec de m'envoyer sa photo et il m'a envoyé la photo de sa bite. Je lui dis, bah du coup, alors c'est pas la question de sa bite, on s'en fout, mais je lui dis, bah du coup, c'est pas toi. Et il m'a dit, si, c'est moi. Je lui dis, bah non, parce que même avec une moustache et des lunettes, une fausse moustache et des lunettes, c'est toujours ta bite. Hein. Ta bite n'est pas un être humain, en fait, hein, vraiment. Il a fait, ah, mea culpa, oh là là. Mais ouais, j'aimerais bien voir le passeport de ce mec, quoi. Bah, il faut prendre une photo. Le mec, ça, là, c'est bon. Bah, non, c'est votre bite, en fait. Le visage, en fait, c'est une photo. Je pensais pas qu'on l'ait précisé. Tu vas au photobaton, t'ouvres c'est le rideau. Pas vrai, bah, la pudeur, vous connaissez, ça va. Bah, j'ai pas souri, hein. Pour Ah, putain. Toi, et... Baptiste, en technique de drague, peut-être quand t'étais enfant. Quand t'étais enfant, est-ce que t'as. T'avais quand même raconté. Il avait quand même raconté dans le podcast qu'il avait essayé de draguer au sport d'hiver et que ça avait été un fiasco. Je sais pas s'il y en a qui. T'avais glissé du coup. Ton père t'avait laissé, j'imagine. Non, il y avait une fille dont j'étais fou amoureux. Elle s'appelait Tiffen. Et le premier jour au ski, à la fin, elle revient. Elle est rouge, mais rouge brûlé au deuxième degré, quoi. Et donc, coup de soleil, quoi. Coup de soleil vraiment vénère. Je t'aime, quoi, au final. Et la maîtresse dit, Tiffaine, tu viendras dans ma chambre, je te mettrai de la, de la crème solaire. De la Biafine. Et moi, de la Biafine. Moi, je me suis dit, putain, si je veux me retrouver seul avec elle, demain, je mets pas de crème solaire. Et donc, j'ai cramé le lendemain. Mais vraiment, j'étais comme ça. J'étais, je skiais vers le soleil. Je fais, brûle! Brûle-moi, enfoiré! Vas-y! Et je suis, mais brûlé, mais vraiment fort. Et donc, ma Morvin dit, ma maîtresse dit, mais t'es complètement débile! Enfin, j'ai fait de la prévention avec Tiffaine! Et donc, viens dans la chambre avec moi! Et je me retrouve face à elle. Et le premier truc qu'elle me fait, elle me dit, tu l'as fait exprès, hein? Oh. Question ouverte. Est-ce que je suis sorti avec cette fille? Non! Mais t'écrivais des lettres aussi, tu vois. Non, alors, je faisais un truc vraiment, parce que j'étais très timide, j'écrivais des lettres d'amour. Quand j'étais petit, j'écrivais des lettres d'amour et je demandais à ma mère de corriger les fautes d'orthographe. Oh, oh. Mais ça, c'est hyper cool ça à faire, hein. C'est vraiment les mecs cool qui font ça. C'est vraiment hyper coolos. Et ma mère dit, bah non, je t'aime à l'infini. Il n'y a pas de S à l'infini. mais je veux l'aimer longtemps à l'infini. Mais non, Baptiste. Les meufs qui disaient ça, putain, mais il n'y a aucune faute. Wow. Et j'ai baisé à 23 ans pour la première fois. High five. Aussi. Putain, mais on a que des gens cool ici. Mais ouais, on se rend compte qu'on a vraiment cool ici. 23 ans. 23, ouais. Bon, ça va. Hein. Bon, ça va. Pardon, là. Excusez-moi. Ouais, par choix. Hein. Moi oh, oui. Allez, pas précisé, croire, mais. C'était pas du tout cool à l'époque de baiser. Pas du tout. Donc, j'étais stylé, attention. Douli, tu m'as dit aussi qu'en boîte de nuit, on t'avait dragué. Tu m'as raconté. Ah oui, oh là là, il y a un mec comme ça, mais vraiment, ça se passait bien. Il était très très beau en plus. Il était beau, genre quoi? Genre Daniel Auteuil? Non, très très beau. Stock. Ah oui, donc Pierre Arditi, carrément, quoi. Stock. T'aimes bien les mecs stock, Doudou? Oui, enfin, pas trop non plus. Il nous a montré une photo d'un mec, il était bien musclé quand même. Non, oui, mais c'était naturel. Ah oui, bah oui. Oui, bah, voilà. Bon, bref, on s'en fout. Et il était beau gosse. Et du coup, on danse et tout. Et à un moment donné, je vois le mec se regarde, se mate en train de danser dans une glace, quoi. Qui fait ça, sans déconner? Non, c'est pas possible. Kamel Wally, à la Tara, qui fait ça. Moi, alors, seul chez moi, donc c'est... Non, cette histoire s'est arrêtée là immédiatement. T'es en train de me draguer, tu te regardes en train de danser, c'est quoi cette histoire? Ça en dit long un peu sur le personnage. T'attires quand même des mecs très narcissiques, des mecs qui suivent en train de baiser, des mecs qui se regardent dans la glace. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de malédiction. Il y a un mec qui faisait les trois en même temps. Ouais. Incroyable. Ah, ça me donne chaud, tout ça. Tous ces souvenirs. Eh, mais toi, attends, et toi, tu poses des questions, mais toi, t'as pas fait des trucs de drague nuls, toi? Mais moi, je drague pas. Tu draguais pas? Je te jure, toutes mes meufs m'ont dragué. Non, mais je c'est te jure. Dur de ouais, ça va. Apollon, va. Toutes mes meufs. T'es place pour Franck Dubosc? Oui, c'est vrai. Quoi? Bah, tu quoi, raconté. T'es pas au courant de ça? Je vais aller vite parce que vous l'avez peut-être déjà entendu, mais en gros, quand j'étais au lycée, il y avait une fille qui s'appelait Laurie, dont j'étais amoureux, et elle est restée ta meilleure amie, quand même. Petite rêve musicale. Laurie. La chanteuse Laurie. En tout cas, c'était le week-end. Et en fait, je savais pas grand-chose. Tu sais, souvent, t'es amoureux de meufs, mais tu les connais de loin, en fait. Enfin, tu sais, c'est genre, elle est belle et elle a l'air sympa avec moi. Elle me parle, donc ça suffit. Elle te parle sur un air latino ou sur un... J'étais dans les Startic Vlogs. Ah bah, il y a un show. Mais il est imbattable, là-dessus, il est imbattable. Ouais, il connaît toutes. Mais cela dit, c'est une très bonne amie. J'ai son 06. La 06 de Laurie. Elle m'a laissé en vue, je l'ai unfollow. C'est vrai, t'as mis vue? Ouais. Oh, mon pauvre. Non, c'est pas grave, on n'était pas les meilleurs amis non plus. Et donc, t'as acheté des places. Donc, en gros, cette meuf, je savais rien. Et genre, un jour, juste, je sais pas, j'entends qu'elle dit ah, moi, j'aime bien Franck Dubosc, qui est le cas de tous les gens de ma génération au moment du collège-lycée. Bah, si, pour toi, public. Ah, c'était hyper cool à l'époque. Hein, c'était hyper stylé. Vous voyez, c'était l'équivalent de Joule. Bah, en tout cas, à l'époque, pour toi, public, romantique, tout ça, moi, j'étais super, Baptiste aussi. Super spectacle. C'est des trucs, bref, c'était c'est vrai. C'était romantique, totalement culte. Ta gueule, romantique, c'est trop bien, gars. C'était pas du tout cool, arrêtez. C'était pas du cool. Tous les jeunes adoraient Franck Dubosc à l'époque, hein, je vous le dis. Pour toi, public, le DVD pour toi, public, c'était trop cool. Les petites annonces d'Elie. À ton époque, c'était Thierry Leluron, mais nous, c'était Dubosc. C'était pas cool. Nous, c'était Dubosc. Qu'est-ce qu'il y a de drôle à ça? Bon, bref, et cette meuf, en gros, j'apprends qu'elle est fan de Franck Dubosc, et je viens du fin fond de la Bourgogne, et quand il y a une rosta qui passe à moins de 100 bornes, on fonce, quoi. Et donc, il passait à Dijon, au Zénith de Dijon, et donc, je dis, mais si tu veux... Il a baissé, il a été désespéré à Zénith de Dijon, il a fait... Non, mais c'est ce qu'on vit en tournée, quoi. Moi, je reçois des messages de gens, ouais, je suis en date, fais la marée, comme ça, je peux... Oh là, j'en étais pas jusque-là. Non, mais c'était beaucoup plus cool. J'ai dit, oh, j'ai une place en trop, tu veux venir avec moi? Oh, c'est mignon. Oh, mon pouce a fourché dans la corbeille. Oh là là, j'en ai une deuxième. J'ai double cliqué, hélas. Oh, j'ai mis ce cliqué, quelle erreur. Et elle me dit, bah ouais, mais moi, j'aimerais bien y aller avec mes copines. Et donc j'avais payé 3 places en plus pour les copines de Laurie, à qui j'ai pas parlé. En plus, c'est un spectacle de Franck qui était pas le plus fino, donc c'était tu l'appelles la chatte à la voisine. Francky. Tu l'appelles Franck, ouais. C'était romantique. La chatte à la voisine. Et donc à moi, il fait la chatte à la voisine, et toi, t'as 16 ans, donc tu fais, oh, il a dit chatte, je suis un peu gêné à côté de Laurie. Bon, bref. Et donc, évidemment, c'est la mère de mes... Non. Elle ne m'a jamais reparlé, bien évidemment. Un bordelais a été arrêté et écopé d'un an de prison. Parce qu'il se faisait passer pour quelqu'un qu'il n'était pas, à votre avis, qui était-il ? Baptiste Le Caplain. Il se faisait passer pour Baptiste. Non, c'est pas mal. Il se faisait passer pour quelqu'un. Oui. Alors attends, il faut. Mais il c'est faut quelqu'un qu'on peut connaître. Non, c'est plutôt, il s'est fait passer pour une star. Il s'est fait passer pour un corps de métier. Un flic. Pas un flic. Un masseur. Pas un masseur. Il faut deviner. Attends, il s'est fait arrêter où déjà ? C'est un bordelais. Non, mais où ça ? Il s'est fait arrêter ? On s'en fout ? Je n'ai pas l'information. Tu veux la rue ? Disons Bordeaux. Okay. Rue Sainte-Catherine, en face de Gosport. Non, mais dans la rue, quoi. Oui, si je te dis où, ça va te donner. Ils ont employé quelques techniques pour le maîtriser. Le plaquage ventral a été utilisé ou pas ? Pourquoi tu veux savoir ça ? Pourquoi tu veux savoir où il s'est fait arrêter ? Commissaire Douli. Salut. Non, je n'ai pas l'info. Pourquoi il s'est fait passer ? Oui, c'est ça qu'il faut deviner. Pourquoi il s'est fait passer ? C'est un métier. Un boulanger. Pas un boulanger. C'est un truc un peu nul. Écopé un an de prison, donc dites-vous que c'est peut-être pas... Ah, une passion d'identité, donc il a touché un peu, il a touché des gougouttes, non, des il a trucs. Rien non, fait, non, il a pas fait ça. Il a juste profité d'un service via son métier. Ah, est-ce que c'est un métier qui vient avec certains bénéfices et il en a profité plus souvent qu'à son tour ? Oh, voilà. Ça va ? La Fontaine ? mais oui, il y a un peu de ça. Genre, il est parti en vacances avec le CE, tranquille le mec. Mais c'est encore plus bateau que ça. Ambulancier, il a mis les gyrophares... Pour crier feu. Mais ça, on s'est tous dit ça. Il y en a plein qui le font. On s'est tous dit ça, genre les flics, là, il n'y a pas tant d'urgence. C'est juste, il y a un feu rouge, vous voulez tracer. Ou envie de chier. Hein, côte-côte, la police. J'ai envie de chier, Steve. Oh, mais la sirène. Steve. Ça s'appelle souvent Steve, les flics. C'est Steve, ouais. C'est les flics de Los Angeles, de Bordeaux. Ouais, qui sont, ouais. Ils sont Erasmus. Putain, je suis à Bordeaux. Normalement, je suis à LA. Non, pensez à un métier qui... Vous étiez approché. Un métier qui permet peut-être de se déplacer. Voilà, typiquement. Pilote de tête à plane. Pilote de ligne, Stuart. Ah, bah, il a vu... Ah oui, c'est pilote de ligne. Non, ouais, pas loin. Chauffeur de pilote bus. Pilote de train. Pilote non, de... vous êtes... Chauffeur taxi, de... Uber. TGV, conducteur TGV. Il ne s'est pas passé pour TGV. Tramway. Non, Adrien... Tramway. Applaudissez-moi, j'ai dit tramway. Baptiste est très, très proche. Baptiste est très, très proche. Alors, c'était pas un conducteur de train. Contrôleur de train. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Pendant 5 ans, il prend le train déguisé en contrôleur. C'est ça le titre. Mais... Putain, c'est marrant. Mais... Titre de la news. Il est déguisé en contrôleur. Mais c'est du génie. C'est génial. C'est du génie, gars. Il a été à une fête d'Halloween, tout le monde a dit « T'es génial en contrôleur de train, gars !» C'est grâce à ça que Lupin existe, hein. Donc attention. Ça a inspiré Lupin. Comment ça. Ils l'ont chopé ? Alors, je vais tout te raconter. Le 26 novembre 2014, alors qu'il était à bord du train Narbonne-Bordeaux, vêtu d'un costume gris et violet, celui des contrôleurs SNCF, un homme est arrêté. C'est la fin pour lui d'une vaste escroquerie. Fond de latte, qui aura duré 5 ans. 5 ans pendant lesquels il a voyagé plus d'un millier de fois en France, millier dans le Luxembourg. Sans jamais payer grâce à sa tenue de contrôleur. S'il s'est fait passer pour un contrôleur, ce n'était pas pour voyager gratuitement, c'est simplement parce qu'il rêvait de l'aide. C'est ce qu'a dit son avocat. Et non. Personne n'y croit. Non, personne n'y croit. Mais non, mais il n'y a jamais un de ses collègues qui a fait, mais c'est qui, qui est toujours là, en fait, on ne sait pas qui c'est. Mais il n'était pas payé, il faisait ça comme ça. Ouais. Bah, il voyageait, gratos. Il faisait ça pour voyager gratos. Tu crois l'avocat, toi. Moi, j'aime bien que l'avocat, il dise, c'était son rêve, comme si c'était un rêve inaccessible. Vraiment, j'imagine le juge. Contrôleur. Chalet de la vie, je suis à Narbonne. Tu es complètement fort, là. On est à Bordeaux. Non, Narbonne, c'est New York pour moi. Mais c'est complètement con. Mais non, il voulait voyager gratos. Bah vas-y, défends-le, c'est qui, c'est ton coloc? Mais non, mais toi, tu crois l'avocat qui a dit c'était son rêve. Ah non, c'est un peu costaud quand même, un an. Alors, attends, bah, ça vaut le coup, il a voyagé plus d'une fois. L'argument n'a pas suffi à convaincre, pour vous dire, en tout cas, de dire oui, c'était mon rêve. Le juge qui a fait son rêve était d'être contrôleur. En plus de dommages. Non. Et moi c'était avocat. il a payé des dommages et intérêts. Oui, en plus de dommages et intérêts pour la SNCF, récidiviste, il a également écopé d'un an de prison. Est-ce qu'il a. J'imagine l'histoire ne le dit pas, mais est-ce qu'il a contrôlé des gens? Bah sûrement. Ouais. Et il n'avait pas la machine. Donc il faisait juste passer le genre. Ah, il devait. Oh, je reviens. En fait, il espère. Non, mais si, je vais pas contrôler. Ah, il est trop cool ce contrôleur. C'est ça. C'est gratos. C'est pour moi. Je suis un contrôleur coolos. Mais oui, mais il y a l'histoire du bus où le mec, je suis monté dans le 69 au lieu du 96. Bon, bah ça arrive, j'ai inversé les chiffres. Tu faisais le poirier. Tu faisais le poirier. Ah non, mais la blague. Mes chips ou quoi? Ouais, ça va. Et le mec, je viens le voir, je dis oui, je suis désolé, est-ce que je peux descendre? Je me suis trompé, je suis fatigué. Et il me regarde, il me fait « Oui, enfin, pas que fatigué, apparemment. » Il était 10h du mat, quoi. Il croyait que t'étais bourré ? 10h du mat, sans déconner. Ça arrive, hein. Et la dernière fois aussi, moi, j'ai la carte handicapée. Bon, ça se voit pas forcément, quoique, mais j'ai la carte handicapée. Et du coup, la dernière fois, j'étais, tu sais, pour 13 jours de tournée, quoi, vraiment, donc avec une énorme valise et tout, dans le truc de 4. Et t'as 4 vieilles qui rentrent, mais ça allait, quoi. Tu sais, elles avaient des petits sacs Galerie Lafayette et tout, donc ça va, elles s'étaient éclatées. Et ça va, quoi, c'est bon. Ouais. Et elles viennent me voir, elles me font oui, c'est réservé aux handicapés. Donc je sors la carte et je dis alors qu'est-ce qui va gagner maintenant? On a fait à Shifumi? On a joué à Shifumi ou quoi, mamie? Non, vraiment. C'est elles t'ont laissé au final, elles ont été cool. Elles m'ont laissé, mais elles étaient T'aurais pas pu contentes. Les filmer et les cancel. Parce qu'il y a plein de vidéos comme ça, des gens qui. Voilà. Ça, c'est le handicap invisible. Cancel des gens, Douli, enfin. Cancel des vieilles. Tu vois bien qu'on va faire le buzz ici. Face à la pénurie de profs, pile dans l'actu, j'ai envie de vous dire. Oh là là. Le rectorat de Bordeaux a dû trouver des solutions pour cette rentrée. À votre avis, des solutions, c'est quoi? Des hologrammes de profs, comme Mélenchon. C'est pas ça. Attends, répète, Loulou. En fait, face à la pénurie des profs, je ne sais pas si tu as suivi ça, mais en ce moment, ils galèrent à trouver des profs. Le rectorat de Bordeaux, la source est tarie, apparemment. Le rectorat de Bordeaux a dû trouver des solutions pour cette rentrée. À votre avis, quelle solution est-ce qu'ils ont télétravail? Non, pas embaucher des gens d'un autre corps de métier. Ils ont dit maintenant, vous êtes prof? Genre un contrôleur, par exemple. Je sais pas, j'en sais rien. Non, c'est pas ça. Alors, est-ce que ces gens, ils ont pris des profs d'une autre matière, genre un prof de sport, ils ont dit bah fais la biologie maintenant. Genre ils ont été voir un prof de pilates, ils lui ont dit tu remplaces pilates par une table de neuf et puis tu deviens prof de maths. Non, c'est pas ça. elle est venue de loin. Dans ma tête, je croyais que t'allais vers prof pilates. Je suis pas ouf, hein, j'arrive. Ah, je suis en seconde, hein, de minutes. Elle était surprise que t'ailles la chercher, la blague. Ouais, ouais. Moi, sérieux, moi? Ok, je suis pas prêt. J'ai préparé, hein, casse-croûte, qu'est-ce que je fais? Attends, donc on n'est pas dans le virtuel. On n'est pas dans le virtuel. Mais comment tu peux le métaverse? Non, on n'est pas dans le métaverse. Le multiverse. On n'est pas dans le multiverse. Comment tu peux improviser une averse quand il y a de l'orage? non plus. Le Marvel Cinematic Universe? Non. Ah, il y a pas verse. Il y a pas verse dans la réponse. Ça m'intéresse pas du tout. Non, c'est vraiment. En fait, c'est une solution toute conne. Hein. C'est pas très difficile. Ils ont interdit c'est pas très difficile. La moitié non, des élèves de venir. Ils ont, oui, c'est ça. Ils ont demandé aux élèves qui avaient la meilleure note de faire prof. Oh l'horreur. Il y en avait des élèves un peu comme ça. Tu sais, c'est des élèves qui non, disent non, les faillots. Oui, ça s'appelle des faillots. Oui, c'est ça. Et on les déteste, hein, ces gens, bien sûr. Ils étaient pas cool, hein. J'étais Franck Dubois, comme ça, les rois des cool. C'est ça. Comment tu peux être Tu peux pas improviser. Hein. Non, ils ont pas improvisé. Non, juste ils ont fait une technique. Est-ce qu'ils ont très fait à l'ancienne. Ah, ils ont réuni plusieurs classes. Non, ils ont non, pris non, des curés. Non. Ils ont fait. Quelle des... erreur ça aurait été. Est-ce qu'ils font des demi-heures de cours au lieu d'une heure et du coup ils font deux fois plus? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Non, mais je vais vous donner la réponse. On s'éloigne. Il y a d'autres questions, Adrien. Tu vas te régaler. Il déteste ça. Mais non, un indice. Attends. Pour une fois, on peut le faire. Donne la réponse ou pas? Non. Wow. Désolé, les gens sont de mon côté. Putain, c'est ouf. Je m'attendais pas à vous que vous disiez non. Non, il a dit que c'est pensé que vous alliez dire ça. On a payé, mais on veut que ça se finisse vite. Alors, je suis surpris. Ok, c'est un truc à l'ancienne. C'est-à-dire que vous cherchez pas un truc du futur, c'est plutôt vraiment un truc du passé. Mmh. Un truc du passé. Ouais. Aimer Franck Dubosc, allez. Un truc du passé. Un truc du passé. Ce n'est pas, ouais, puni, c'est pas un Walkman. Ils ont dit mettez vos doigts comme mais ça. Attends, ils ont attends, un coup de règle. Qui faisait classe avant. Ils n'ont pas rouvert le pensionnat de Chavagne. Est-ce qu'ils ont embauché des gens supplémentaires? Ça, embauché des gens en plus. Ils ont voulu embaucher des gens en plus, mais d'une certaine manière, un peu à l'ancienne. Des prisonniers. Ah. Non, quoi? Non, Machin, je sais pas. Non, non. Des gens d'un autre pays? Comment? Non, non, comment? Non, non, c'est plutôt dans la méthode. Plutôt dans la méthode d'engagement. Comment, enfin, de. Un de... crieur de rue qui non. Fait, oh yeah, nous cherchons des professeurs! Et je vous informe que Vidocq est mort! Vidocq est mort! Non, non, non. Non, c'est la méthode pour aller. Juste dans Vidocq. Rechercher. Ah, pour oui. Rechercher des profs. Pour rechercher des profs, exactement. Ah. Est-ce que tu allais dire que Depardieu fait du kung fu? Non, déjà, dans le film Vidocq, Depardieu fait du kung fu, je voulais vous le rappeler. Oui. Et dans Vidocq, le. Ah oui. Je vous spoil Vidocq, hein, j'en ai rien à foutre. Ouais, ma frère. C'est, l'histoire, c'est Guillaume Canet qui joue un inspecteur qui enquête sur la mort de Vidocq. Quelqu'un l'a tué. Et à la fin, on découvre que c'était Guillaume Canet le tueur. Ça veut dire qu'il enquête sur lui-même. Sauf qu'il y a plein de scènes dans le film où il est tout seul. Ouais. Il fait mais putain, il est tout seul chez lui. Il fait mais putain, mais c'est qui a tué Vidocq? Et c'est lui. Wow. Une chaîne YouTube qui sort bientôt où je clash le ciné. J'aurai un petit t-shirt Rick and Morty, des petites figurines pop. On va se régaler. Donc non, face à la pénurie, un truc à l'ancienne pour engager des gens, quelque chose qui est aimé par un humoriste, peut-être ami avec Franck Dubosc. Ils ont fait des petites annonces. Des petites annonces. Mais oui. Attends, merci. Des petites annonces pour dire on a besoin de profs. Ils ont dit devenez professeur. Point. Donc j'imagine qu'ils sont payés à la lettre. Enfin, ils payent la petite annonce à la lettre. C'est une campagne de recrutement quelque peu insolite qui s'organise depuis le 24 août à Bordeaux, entre parenthèses Gironde, sur place pour faire face à la pénurie d'enseignants. Le rectorat a publié des petites annonces dans la presse locale et régionale pour recruter. Est-ce que vous, qu'il y avait des profs que vous aimez bien, des profs qui ont marqué votre vie? Est-ce que vous aviez Robin Williams, par exemple, en prof? Douli, toi, t'as connu des profs un peu... Peut-être horribles, hein, totalement horribles. Ouais, hein, on préfère, d'ailleurs, même plutôt dans la salle, je pense. Mais... J'avais plutôt des profs cool, mais j'étais nulle. J'étais vraiment nulle. Enfin, j'étais pas nulle, mais je branlais rien, donc... Bah, vraiment, une moyenne, oui. La moyenne de ta moyenne. Non, mais j'avais 7 SDF qui vivaient chez moi. Ah oui, c'est vrai. C'était compliqué de travailler. C'est pas une excuse. Tiens, tiens, me fais réciter ma poésie. Moi, je fais du diabolo, ta gueule. Non, le diabolo est coincé, je crois. J'en avais une, j'ai une prof d'allemand, mais il m'aimait bien, mais j'ai une prof d'allemand qui m'avait mis deux, en terminale, je crois, 2,98 sur 20. Et je lui ai dit, mais c'est mesquin, quoi. Je me suis levée, je lui ai dit, mais c'est mesquin, quoi. Mais moi, 3, quoi. Enfin, j'ai dit, pour 0,02, quoi. Enfin, c'est très mesquin. Pourquoi elle a fait ça? Et j'en avais une autre, mais c'est mesquin. C'est très mesquin. Elle s'appelait Madame Mesquin. La précision allemande, mais c'est mon nom, Madame Mesquin. J'ai une cape. Je l'écris. À la craie qui fait du bruit. Mais ça n'a aucun sens, madame Mesquin, c'est du Véleda. Vous n'avez pas de répartie, madame Mesquin? Non, mais parce que non. Je me drogue au Véleda. Elle est camée, la prof. Oh, j'ai répondu à une annonce. Oh, il retombe sur ses pattes. Quel chat! Ah, c'est un chat! Un chat. Un autre prof prolo aussi, peut-être, Dolly? Non, j'avais une prof de maths. On peut juste s'arrêter sur le fait que Baptiste a cassé le micro. Il a cassé sa bonnette. C'est la première, Baptiste. Il a fait sauter la bonnette. Ouais, c'est galère. Vous avez tué une capote. Ah, bah oui, c'est ça. J'avais une prof de maths qui était très bizarre. Elle nous avait, mais pas tous les gens de la classe, mais elle nous avait emmenés dans une librairie sadomaso. Ah, bon, l'adjectif est surprenant. Parce qu'il y a une librairie, c'était genre, oui, sadomaso. Je jure. Ah. Et il y avait des espèces de bouquins et tout, avec des bonnes sœurs qui se mettaient des bougies dans le vagin. Enfin, c'était énorme. Ouais. Et on a, rappelle, prof de maths, t'as dit. C'est déjà dans une librairie, c'était déjà bizarre parce que c'est une prof de maths. Non, mais sadomaso. Ah. C'était genre une sortie, tu sais, à la fin des cours. Venez, je vous emmène, je suis sympa. Tu vois. Oui, soit tu regardes Jumanji, soit tu vas dans une librairie sadomaso. Cette prof, c'est qui cette prof? C'est notre mesquin. Je sais pas si je peux balancer son blaze. Vous aviez quel âge juste? On avait genre 13 ans. What? ouais, enfin, 16 ou 17, ça devient un crime. C'était au collège. Mais comment tu passes de prof de maths à ça? Genre, il y a un élève qui regarde sur ma calculette, mais elle baise. Ah, tu crois pas si bien dire. Venez, je vais vous montrer un truc. Regardez, elles se mettent des bougies dans la chatte. Oui, Mais genre, l'hypoténuse... J'en demandais pas tant. Est-ce ça que vous avez vu l'angle de la bougie? Oui, oui, c'est un englobe-tu. Et Douli, c'était où? C'était dans quelle ville? Si la, si la bougie se consume... C'était une école catho, mais ils étaient tous complètement cinglés. Attends, attends, attends. Une école catho? Elle t'a emmené voir des bonnes sœurs. J'ai le 06 d'onde date, hein. On peut encore faire tomber cette école. C'était très très grave. Les profs d'anglais qui disaient de toute façon je vais me suicider dans le caniveau. Ben vraiment ça n'allait pas du tout, hein. C'était quel établissement ça? C'était le nom de l'établissement? Ça s'appelait Sœur Rosalie, chérie. Sœur Rosalie, un collège. Ça n'allait pas bien du tout. Oui, très fou. Ça n'allait pas bien du tout, du tout. Et ça a donné ça. Merci l'éducation nationale. Non, quelle célébrité de Bordeaux. Il y a une célébrité qui nous a quitté en 2020, année Covid, je vous le rappelle, grosse ambiance. Et une célébrité nous a quitté et personne n'en a parlé. Et pourtant, c'est une célébrité de Bordeaux. C'est un animal. C'est un animal. Ben, on peut... Lâche le micro, Baptiste. Mais non, mais j'ai pété la bonnette. C'est pas grave. Mais j'ai pas envie de le casser. Hein. Non, mais ça, en fait, si tu touches pas, tu vas pas le casser. Tout va bien. Ok, très bien. Donc arrête. Donc c'est un animal. Un animal célèbre. Ah, les Bordelais longs. Regardez, chut. Ah, tu l'as, attends, tu l'as. Je l'ai. Quoi? Tu l'as? Un animal. Je l'ai, ouais. Bah, en quelle année? Il est mort en 2020. Ah. Alors, pas du Covid, apparemment, mais il est mort en 2020. Il avait acquis une certaine célébrité. Une véritable célébrité. Apparemment, à Bordeaux, c'est les Alain Juppé, visiblement. Le Alain Juppé des animaux. Mais un animal de zoo ou quelque chose comme ça? Plutôt de zoo. Mais tu l'as, Baptiste? Oui, ah, le singe blanc, là Baptiste, c'est le nom d'un chanteur français, oui. Bien connu. Bah, vas-y. Qui est malade. Ouais. Le lama. Il s'agit de Serge le lama. Ouais. Oh. Serge le lama. Et non. Qui nous a quittés en 2020. Ah. Oui, qui doit bien se marier là-haut avec Coluche et des proches. Jeudi 31 octobre 2013. Alors oui, parce que, pardon, excusez-moi, je rembobine. Cette histoire de Serge Lama, alors, ici à Bordeaux, vous devez le connaître, mais c'est un épisode que les gens vont réécouter. C'était ce lama, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est des jeunes bourrés qui avaient pris ce lama dans un cirque. Qui sont peut-être dans la salle, d'ailleurs. Qui sont peut-être dans... Vu que c'est des voleurs, donc pourquoi pas... Bah, en l'occurrence, ils avaient volé un lama, ils lui avaient fait des petits tours de tramway, il y avait une photo qui avait fait le tour. Et je cautionne pas, moi, personne. Hein? Je ne cautionne pas. Non, non, mais tu ne cautionnes pas, mais il faut savoir qu'il y avait en tout cas un véritable buzz. Ah oui, ça, on peut le dire. Avec un double Z. Un buzz sur les réseaux et à la télévision. Et il y a eu plein de choses autour de ce lama. Il faut savoir que ce lama a plusieurs exploits. Il a donné le coup d'envoi du match de hockey Boxer de Bordeaux-Mulhouse. Le 7 novembre 2013, il y a un jeu d'arcade qui est sorti sur Android qui s'appelle Serge Visit the City. Mais vous manquez de célébrité à Bordeaux? C'est quoi le... Genre, il y a un lama, tout le monde dit, c'est bon, on tient un truc. Il a participé au show Starfloor de Fun Radio à Bercy avec Bruno Guillon. Ah, il aura une belle vie. Ah merde. Et Baptiste rigole, mais il a été évidemment mascotte des Girondins de Bordeaux. Voilà. Ouais. Et je vais même te dire, ça leur apporte des chances en plus, a priori. Jean-Louis Triaud, le président des Girondins de Bordeaux à l'époque, surfe sur cette vague de lama. Il a surfé sur le lama. Et donc, il me dit, tiens, viens avec moi. Et on fait le tour de Chaban-Delmas. Et donc, je suis avec Jean-Louis Triaud, qui est le sosie officiel de Gargamel, hein, faut quand même le savoir. Non mais vraiment, on traverse tout le stade, il fait tiens viens avec moi, je vais te montrer un truc. Bon ça va, tu vas bien? Ouais, Ludo Bragnac t'as invité, oh, il m'a saoulé. Et les gens l'appelaient, ils disaient ah Jean-Louis, oh ta gueule. Et il parlait comme ça au supporter, oh ta gueule. Et il me dit viens voir, et je vois le lama mec. Et il dit viens on fait le tour du stade avec le lama. Jamais de la vie je fais ça. Et il me dit bah pourquoi? T'es humoriste, ça te fait pas marrer? Bah non. Putain, mais pas... Il s'appelle Serge comme le chanteur. Réfléchis. Et il a fait le tour du stade avec Jean-Louis Triaud. Il est passé devant le virage chute comme ça. Mais je dis, mais vous savez que ça crache, président. Il va peut-être vous cracher la gueule. J'ai pas peur. Et non, mais il a donné le coup d'envoi du match Girondins de Bordeaux FC Nantes le 10 novembre. Et on perd 3-0. Ouais. Non, ta gueule, tu savais pas. J'adore le foot. Ouais, t'adores le foot. Djordjevic, il met deux buts, c'est enculé. Je prends l'avion retour, il était devant moi. Je lui dis, ça va, c'est pas bien. Ouais. Vous êtes nul. Ouais, merci. Il m'a dit ça, ouais. Foiré. Ouais. Donc, ce sont des gens extrêmement éméchés, hein, qui ont kidnappé ouais, bien sûr. Mama. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu des expériences d'Ouli, je sais pas. Vous êtes quel type de voyageur sur Mama? Vous êtes genre sur l'avant, sur l'arrière, vous avez des bagages? Non, mais c'est vrai que t'as bossé dans un bar, toi, d'Ouli. Donc t'as j'ai croiser. Bossé dans beaucoup de bars. Ouais. J'ai beaucoup d'anecdotes de bars, mais j'en avais un comme ça, un client, et il se mettait à lécher les murs du bar quand il était bourré. À lécher les murs? Oui, je sais pas d'ailleurs à quel moment la honte ne rentre pas dans ta vie et tu reviens dans ce bar après. Tu vois, c'est quand t'as léché les murs du bar, tu reviens jamais dans ce bar. Pour vérifier si c'est le bon bar, tu vois, une fois il est tombé sur un mur de l'amiante, il est mort. C'est peut-être un soupeur timide, quoi. Il était à l'étape 1, il fait après. Il y en avait un aussi, il disait tout le temps, là je suis complètement rond, mais d'habitude je suis carré. Quand il fallait payer l'addition. Et après, moi, j'ai eu des expériences de mecs bourrés comme ça. J'ai eu un... Je dansais le rock et ouais, c'est très bizarre comme information. Je dansais le rock and roll, j'aimais bien. Et c'est je dans Wikipédia. Et du coup, il y a un mec complètement bourré qui m'invite à danser en boîte comme ça. Il me dit ouais, tu danses le rock? Je fais ouais. Il était plutôt bon danseur. Et donc, à un moment donné, il me dit allez, saut périlleux. Oula. Bon, j'accepte. J'avais peut-être un peu bu aussi. Et là, peut-être léché les murs un peu. Il me jette en l'air comme ça et il continue à danser, le mec, en fait. Vraiment. J'ai même une pomme, tu la jettes en l'air, tu la rattrapes, quoi. Non? Je sais pas. Donc il m'a jeté en l'air, ça on m'a raconté, il a continué à danser et pas comme ça, voilà. Et j'ai perdu un centimètre, donc vraiment de ma taille. Sur la tête? Non, sur le cul. Ah. Et je faisais 1m60 et cet enfoiré m'a ramené dans les 1m59, quoi. Donc vraiment, j'ai vraiment perdu un centimètre à cause de lui. Ça va, tu peux toujours faire Space Mountain, t'inquiète. Quel enfoiré. Et il s'est taillé comme un lapin. Ouais, quand il a vu le drame, il est parti. Oh non. Oula. Voilà, j'en ai pas mal. Hein. Il faudrait que je trouve. Attends, mais c'était sur les animaux. Pourquoi elle est partie sur le bar? Non, les mecs bourrés. Les mecs bourrés qui ont kidnappé le lama. Tu n'écoutes rien. Ah, les mecs bourrés qui ont kidnappé le lama. Quelle énergie. Oh, putain, excusez-moi. Les mecs bourrés. Toi, tu bois pas du tout, toi, en plus. Je bois jamais d'alcool. Moi. Et tout le monde est persuadé que je suis défoncé. Hein, tu sais, quand tu sors de scène. Mais toi, c'est plus la cocaïne, tu vois. Oui, toi. Mais pour le coup, tu tapes énormément. Pour le coup, tu tapes énormément. Je ne prends rien. J'emménage dans un appartement. Le voisin d'en face et sa meuf vient. Vous êtes le nouveau voisin, bienvenue, cool! Et je finis de m'installer, j'étais tout seul, j'étais en séparation, et 23h. Une petite trace? Et je fais, ouais, et le voisin fait, ouais, salut, et moi je fais, il va me violer. Direct, je pense à ça, il fait, ouais. Je t'ai reconnu, t'aurais de la coke. Bah voilà, tu vois, je t'ai dit, non, en plus, écoute, tu touches souvent le nez. Mais tu prends pas de coke. Ouais. Je le blâme pas. Ah, tu prends de la coke. Je dis, mais je te jure que je prends pas de coke. Et le premier rapport de voisin, c'est, mec, demande-moi du beurre. Tu fais pas, ouais. À sa décharge, c'était Jean-Luc Delarue. Donc aussi, c'est ça. Ça. Et tu vois, tu prends pas de coke. Et pendant des années, il était, tu prends pas de coke. Ah, oh, le radin. Et t'as pris pour un gros radin. Mais non, fait. Je sais. Oui, c'est ça. Il a tweeté. Non, mais les mecs défoncés, même bien. Ils disent, toi, si tu fumes, toi, tu vas être plus drôle, toi, encore. Et ils veulent me faire. C'est des challenges. Il y a des mecs dans des villes, ils m'attendent, ils fument. Ils veulent me faire fumer. C'est un challenge TikTok, d'ailleurs. C'est faites fumer Baptiste. Non, je bois jamais d'alcool, jamais. Pas de drogue, rien que d'alcool. Mais pourquoi? Plus de drogue à la vie. Pourquoi? Parce que je me drogue à la vie. Il drogue à la vie, Non, j'ai tourné cet été avec Camille Chamou, et Camille Chamou m'a dit, mais tu ne bois jamais le Caplin? Non. Donc dans ta tête, c'est constamment 14 heures, quoi. J'ai trouvé la métaphore sympatoche. Faut savoir que Bordeaux a un record national. Ok, elle est la ville française qui compte le plus d'un certain type d'établissement pour 1000 habitants. Ok. Ok. À votre avis, de quel établissement on parle? Attends, je rate toujours le début des phrases. Mais c'est pas grave. Non, je suis dans des tunnels. Okay. Oui, d'où le saut périlleux. Et on danse, on te jette en l'air en faisant saut périlleux. J'ai pas entendu le début, mais ok. Qu'est-ce que je fais dans les airs? Bah, elle est con, je lui avais dit. C'est le mec qui fait du diabolo, ça. Donc Bordeaux a un record national. Ok. Okay. Est-ce que c'est la ville de France qui compte le plus d'un certain type d'établissement. Ok. Pour 1000 habitants. D'accord. C'est-à-dire qu'elle est devant Paris, devant Lyon. Les hôpitaux. Devant... Pas les hôpitaux. Est-ce que c'est un rapport avec le vin? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un rapport avec la maladie, tout ça? Rien. Pas du tout. Est-ce que c'est l'alcool? Non. Non. Il a dit, Magasin de sculpture de sperme. Pardon, excuse-moi. Le sport. Elle est où ma sculpture de clôture? À deux secondes, faut de la matière. Pas le sport. C'est des magasins, t'as bien dit des magasins. Ah non, des établissements. Attendez, il y a le sculpteur de sperme. C'est le mec qui... C'est sculpté avec son sperme, ça fait rire. Putain, j'ai pas envie de bosser aujourd'hui. Les imprimantes 3D, là. Attendez. Moi, j'ai rien. Pas à tous les coins de rue. Faut que je prenne des stagiaires. Ce bruit... J'adore les gens qui miment l'éjaculation et qui font... Le fond quand tu veux faire des gaufres. Non, mais je trouve ça dommage, parce que les gens, quand tu fais l'amour, sauf si on fait... Oh, ça, on est obligé de dire oh, ça vient. Il n'y a pas de son. Alors que si je pense t'accompagner avec un petit. Attends, tu fais pas de bruit sinon, tu fais rien. Moi je fais. Alors... Genre toi tu jouis, t'es genre. Comme ça elle sait. Et mon meilleur ami, ma pote l'a dit. Tu sais que Greg il est super chiant parce que quand il jouit il dit rien. Quoi. Genre il fait ça. Bah, c'est très bizarre voilà. Ça, oui. Non mais. Donc vraiment. Il a zéro émotion, rien. Il fait vraiment. Elle m'a dit. Alors, vraiment, c'était un soir, elle était un peu bourrée. Non mais vraiment, ton pote, genre il fait. Et voilà. Vraiment, c'est, il fait le plein, il est pile sur 20 euros. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ouais, il est dans la performance, quoi. T'as encore cassé la bonnette. Non, elle est toute seule. Ouais, toute seule, oui. Casser la bonnette. Elle a déplié ses petites jambes et elle a sauté le micro. Une chanson de VG Dream, casser la bonnette. Non, si tu veux, je vais te filer un micro, Baptiste. Regarde. On peut toujours se. Non. Donc, non, c'est un type d'établissement d'Ouli, t'es encore dans le jeu. Musée. C'est pas un musée. Est-ce que c'est quelque chose qui produit un service, Paul? C'est pas le verbe que je cherchais, mais allez. Bah, quelque part, oui, mais je suis pas sûr que ça va t'aider. Il y a un truc plus évident, en tout cas. On est sur la bouffe? On est sur la bouffe. Beaucoup plus évident. Voilà. Merci. Restaurant? Ah bah, ils font des cannelés. C'est un restaurant. Des Guillaume cannelés. Des restaurants. Bonjour, Vidocq. Ah, c'est des restaurants spécifiques? C'est des restaurants spécifiques. Des fast-food? Des fast-food. Très bonne réponse. Wow. Vous êtes fiers? Bravo! Bordeaux est la ville française qui compte le plus de fast-food pour 1000 habitants. Paris, qui en compte plus en valeur absolue, n'est que 3e du classement. C'est pour vous dire. Vous, le fast-food, c'est toujours un peu synonyme de petit métier étudiant. Est-ce que vous avez fait des petits tables, des trucs comme ça? Attendez, excusez-moi, pardon. Allez. Moi, je suis scénariste à la base. Et réalisateur, c'est un hobby pour moi tout ça. Ouais. Donc effectivement les transitions frottent un peu les murs. J'en ai conscience. Non, elle était très bien. Mais c'est pour qu'il y ait des petites anecdotes pour picorer, voilà tout simplement. Toi Baptiste, par exemple, tu disais que tu travaillais avec les adolescents. Tu étais comment ça? Rabatteur pour Michael Jackson. Moi c'était pas des adolescents. Non, j'étais animateur. Le centre de loisirs. Ouais, dans les centres de loisirs. J'ai fait ça, ouais, j'ai fait ça à Levallois-Perret. Mais t'as fait ça jeune en plus, enfin, t'avais quel âge t'avais... Bah, j'ai démarré, c'est le premier boulot, tu passes ton BAFA. Franck Dubos, c'était cool à l'époque ou bon grave, situé, bien sûr. Je veux dire. Non mais c'est trop bien, c'est grâce à ça que j'ai eu envie de faire de la scène, parce que tu dois animer des veillées et tu viens faire des sketchs quoi. Donc c'était trop bien. Non par contre le truc qui était vraiment glauque, c'est comme je vous ai dit, cette information... Il y en a eu beaucoup, tu feras attention. J'ai travaillé une fois, j'ai travaillé 6 mois pour un tour opérateur qui s'appelle Look Voyage. C'est Club Med. Avec le singe, le logo, c'est un singe. C'est un singe. Bravo. J'adore les singes. Parce que monsieur malin comme ça, je me rappelle les trucs, s'il n'y a pas de singe, je me rappelle pas. Et donc c'était au Maroc, et donc toute l'année tu reçois des vacanciers et tout. Et pendant les vacances scolaires, moi j'avais les ados, parce qu'ils disaient t'es un peu con, donc reçois les ados. Et j'étais un putain d'animateur ado, j'étais trop cool parce que comme moi j'étais ultra timide de base, je cassais le truc, je dis ok bon les ados venez tous, donc je les accueillais, tu vois, personne se connaissait, je voulais créer un groupe quoi. J'avais des phrases d'accroche, je fais bon clairement les ados, si vous êtes là, c'est parce que vos parents ils veulent baiser l'après-midi dans leur chambre. Les ados adorent imaginer leurs parents en train de baiser généralement. Non mais j'ai fait des trucs fous, c'est-à-dire que comme je vous ai donné l'info, t'as montré des photos de leurs parents en train de baiser. Regarde. À la fin des séjours, moi je disais des conneries. Regarde ton père ce qu'il est en train de faire. Et il bande même pas. À la fin des séjours, il y avait des petites amourettes qui se créaient, bien sûr. Et il y avait des vacances. Ados, comme j'avais un peu du bagou et que j'étais l'animateur coolos, tu vois, ils m'ont fait ouais Baptiste, ouais qu'est-ce qu'il y a Timothée. J'ai inventé le prénom. Et il me dit ouais. C'est un vrai prénom. Je sors avec Laura et. Quoi? C'est un vrai prénom. Colo de Bobo. Et non, il y a un mec, un ado, il vient me voir, il fait voilà, je sors avec Laura et j'aimerais bien faire l'amour avec elle et tout. Je fais ouais. Et. T'aurais des conseils? Je fais grave. J'avais 18 ans. J'ai baisé 5 ans après. Oui, c'est vrai. Donc j'ai vrai. Filé un nombre de conseils. De merde. Alors déjà, tu vois, les femmes, c'est simple. Déjà, t'arrives, tu fais pouet-pouet sur les gougous, t'adores ça. Ah bon? note tout ce que je dis. Tu leur mets des gros doigtés. Voilà, c'est si. Tu mets la capote, tu mets bien tes couilles dedans. Non mais je disais n'importe quoi. Non mais c'est vraiment. Mais j'ai dit des trucs, avec une telle aplomb. Mets pas la langue, sinon elle tombe enceinte. Tu prends un effaceur, tu le mets entre les doigts de pied, comme ça, elle va avoir un orgasme direct. Il venait me voir, pas du tout, ça a déclenché une mousson. Oh merde, attends, je... Un battement d'aile de papillon, c'est une tornade au Japon. Et donc non, mais j'ai donné plein de conseils à des gars et tout, et il y a des mecs qui m'ont dit ah, et quand j'ai sorti le spectacle et qu'ils ont, ils m'ont dit mais mec, mais t'as vraiment fait l'amour à 23. Je suis ouais, je t'ai menti, je t'ai vraiment menti sur toute la vie. Donc non, j'ai donné des conseils, mais c'était horrible, putain. Donc il y a des gens qui ont eu des premières fois atroces à cause de toi. Ouais. Et bien sûr. Le Joker pour moi. Ou peut-être des trucs bien. Je suis le Joker. Non mais animateur, c'est vraiment bien comme boulot, c'est trop bien quoi. Ouais, dans c'est... le même délire, toi, t'as été doubleuse de porno, Douli. Absolument. Je vous ai dit en transition, je suis. Ouais, moi c'est la reprise, hein. Oui. Je suis pas très bon. J'ai doublé du porno, ouais. voilà. Non, c'était un copain qui faisait les bandes son des. Alors je sais plus si c'était Fred Coppola ou un truc comme ouais, ça. Ouais, c'est un bon réal. Ouais. un grand nom en tout cas. Et ouais, je posais ma voix. C'était assez drôle à faire, en fait. Mais tu faisais hein, ouais. Les dialogues et les scènes de Huck ou t'avais des spécialités Je faisais plus, tu sais, les cris sur les bandes musicales, en fait. Tu vois ce que je veux dire et voilà. T'as l'oreille absolue, en fait. J'ai l'impression. T'es Alexandre Astier ou quoi ouais, j'ai l'impression. Mais ça faisait, ouais. Ça faisait mais c'était quoi vraiment des films claqués, parce qu'il y en a un que j'ai vu... Et c'était nul, c'était mauvais, c'était dans une vieille salle de sport, enfin c'était pas du dans une librairie où il y avait des bougies dans des trous du cul, enfin vraiment. Mais toi tu voyais le film en entier, parce que nous généralement on mate des scènes quoi, tu vois, puis après on binge-watch jamais un réel. Moi j'ai tout regardé. Ah, moi c'est aussi noche ou nulle part ailleurs. Hein. Ouais. L'expérience de la salle avec les gens. Ouais. Non, mais en vrai c'était marrant à faire. T'avais des conseils, genre ils disaient ouais, fais plus. Oui, oui, oui. Tu l'as refait là. Tu faisais des bruits. Des trucs de. Oui, oui, bah, tout, un peu tout. Je me souviens que je croyais que j'avais fumé un pétard avant pour me détendre un peu. Oh, vas-y. Ah, mets-la-moi dans le péteux. Ah, tu faisais le bruit. Oh, t'as tellement de sperme, je pourrais en faire une sculpture. Ah, ouais. Dans le péteux. C'est des pornos de Michel Audiard par contre. Ouais. Mets-la dans le péteux, je me sers un kir. Ouais. Avec ta gros guignol. Non, je sais plus qui c'était. Et. Mais t'en as fait beaucoup? J'en ai fait quelques-uns, ouais, mais je me souviens plus, hein, j'avais 15 ans, donc vraiment... Pardon, oh là, oh là. Allez, c'est la fin de ce podcast. Elle était courte cette saison, elle était courte. Cut, il y a 2 ans, Flaubert au téléphone. Eh ben, je voudrais inviter Douli en podcast, elle est cool. Ouais, vas-y, gars, tu peux y aller. Mais tu peux y aller. Je comprends pourquoi quand on a dit qu'on avait baisé à 23 ans, t'as fait 23 ans, sérieux? À 15 ans, Douli, t'as doublé des pornos à 15 ans. Mais oui, mais j'habitais déjà toute seule, tu vois. Donc mais c'est pas intense, c'est pas. Mais non, mais j'avais des copains plus vieux que moi, donc ils faisaient déjà des métiers. La vie. La défense après du Vatican. Mais vous avez couché avec ses enfants, mais j'habitais tout seul. Je bosse une fois par semaine le dimanche. Et le mardi, je fais quoi? J'encule un bébé. Ce ne sera pas le titre de l'épisode. Hein. Ça se tient. Bon, je vais à la j'ai fontaine. Peur qu'on pas la fontaine de la honte. Bon, je vais prendre un peu d'eau. Mais en fait, ouais. Ce qui est fou, c'est que toi, t'as fait autant des trucs aussi un peu dingues quand même que doubler des pornos, et en même temps, t'as aussi vendu des fringues à Célio dans le même. Oui, mais la alors, collection c'était de très la Play Carito, d'ailleurs. Non, mais le monde a changé parce qu'avant, ça fait pas si longtemps que ça que les mecs, vous connaissez vos tailles de fringues et que vous allez vous-même acheter vos fringues et tout. C'est ouais. Vrai, vous étiez timide avant. C'est vrai, il y avait pas métrosexuel et tout, ça n'existait pas. Non, genre, il y avait même pas le métro. Il y avait même pas de crème. C'est quoi avant? Non, je sais pas. Je suis charrette sexuelle. Je suis diligence sexuelle. Je suis deux chevaux sexuels. Non, c'est vrai, il n'y avait même pas de crème pour les mecs dans les boutiques. Il enfin, n'y avait ouais. Rien après, pour vous. Quoi. Vous aviez Célio et Chevignon. Quoi. Enfin, ouais. Tu vois, il n'y avait rien. Quoi. J'avais ma mère en fait, surtout. Je fais, oui, c'est bien. C'est les mêmes vêtements que ton petit frère. Oui. C'est ridicule. Les vêtements de ton père, le rasta blanc. Là. C'est un sarouel, mais c'est bon. C'était... Quand il était jeune, mais ça. Couvrir de la peau, je trouve ça dégueulasse. T'as déjà mis un sarouel, chérie? Bah, évidemment que t'as déjà mis un Far West, excuse-moi. Et du coup, ils étaient très timides, les mecs, à l'époque, pour les fringues. Donc, tu pouvais leur faire acheter ce que tu voulais. Vraiment, tu disais, ça, c'est génial, c'est magnifique. Mais vraiment, les tailles, moi, les tailles, je connais pas mes tailles. Non, j'ai jamais fait de coup d'enfoiré, quoi. J'ai jamais fait acheter un truc vraiment dégueulasse à un mec. Par contre, il pouvait repartir avec 15 chemises, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Ok, d'accord, je vais prendre ça, ça me va bien, ok. Je suis beau dedans, mais bah, je les prends. Ah, ouais. Et là, t'avais quel âge, genre, pour travailler? T'avais... 17 ans, j'avais 17 ans. Non, mais quelle vie, mais ouais. Quelle vie. C'est la saison 2 de Lost. Oh, incroyable. La saison 2 de Lost. On sait rien. De Lost enfin, ou de LOL ouais, Lost qui ressort. Lost qui ressort, c'est un mélange. Tu as une île déserte. Si tu... si tu rigoles, t'es si soigné. Si tu es mangé par la créature en fumée, là. Allez. Bon, c'est... voilà. Bon, écoutez, hein, bon. On brainstorm. Mais Adrien, t'as fait quoi, toi? T'as fait des boulots, toi? Mais il a fait comme toi, toi. Moi, j'ai fait animateur. Bah, j'ai été animateur de Matteo Guendouzi, le joueur de foot de l'Olympique de Marseille. C'est grâce à moi qu'il est là de France. Aujourd'hui. Il m'a toujours pas cité, mais ça va pas tarder, je pense. Non, j'ai pas fait trop de petits boulots, moi. J'ai baisé à 23 ans, je suis resté chez moi, je suis resté un peu, voilà. Okay. Vas-y, en Gironde, fais ta transition de chiasse. Oh, mais arrête ! Il est dur, vous voyez comme il est dur. En Gironde, il y a 115 établissements qui ont tous la même particularité, à votre avis, laquelle ? 115 établissements de Gironde. Alors, c'est pas des fast-food, c'est un autre établissement. Ils ont tous un point commun. Le même nom. Pas le même nom, mais tu es vraiment pas loin. Un jeu de mots, c'est un jeu de mots. Ce sont bien. Les salons de coiffure qui ont un jeu de mots dans leur nom. Bordelaire. 115. Avec Tiff mais dedans. Il y en a 115, ils n'ont pas 115 fois le même. Non. Parce que je crée une autre chaîne YouTube, c'est copie comique de salon de coiffure. Non, ils en ont non, pas 115 fois le même, sinon t'es vraiment paumé sur Google. Oh, je ne sais pas lequel c'est. Non, c'est 115 avec des jeux de mots, ce qui me paraît déjà énorme. Ah, vas-y, les meilleurs. Alors, j'en ai quelques-uns. Il y a Energy Pro avec Hair. Partoutatif. Pas mal. Pas mal. Partoutatif, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal en vrai. Faire des nattes. Non. Avec TH, parce que ça doit s'appeler Nathalie. J'imagine. Trop. Non, mais non. Ah, bah oui, bien sûr. De mèche avec Sylvie, qui est ici, qu'on peut, voilà, qu'on peut embrasser, vous pouvez l'appeler. J'aime bien. Ouais. L'abécédaire, laf hair. Des fois, j'aime bien quand vraiment il n'y a pas de jeu de mots. Attends, c'est quoi là? Laf hair. L'affaire, bah si, ouais. La belle l'affaire. Ouais, mais l'affaire quoi. Enfin, ouais, l'affaire. C'est pas... bah, ça fait l'affaire, tu vois. Oui, genre, mais ça fait l'affaire, je comprends. Juste la 15 balles, la coupe design. 7 euros la barbe, ouais. Design. 7 euros la barbe. Mais c'est ta mère à toi, Baptiste, qui était coiffeuse. Très bonne transition. Pas si mal. Là, elle est bien celle-là. Pas si mal. Là, tu fermes ta gueule. Là. T'as pris la photo? Non, j'ai pas la photo. Bon, le salon de coiffure de ma mère s'appelle le salon infinitif. Oh, un classique. Moi, je savais qu'il y avait un tif. Mais oui, un classique. Un classique. Mais oui. Un classique. Donc, il est même pas original. Et donc, salon infinitif. Bonjour. Oui, maman, c'est moi. Je regrette. Quoi? Oui. Non, mais ce jeu de mots est fou. Non, mais c'est le seul dans le village où il y a un jeu de mots. Mais je sais pas pourquoi. Mais c'est quoi le quotidien d'un fils de coiffeur? C'est un enfer. Non, c'est un vrai enfer. Avec un jeu de mots dans le nom. Ouais. Non, bah déjà, tu rentres. Tout le monde pense que t'es. Enfin, je suis un enfant bizarre. Parce que tu rentres, t'as que des bigoudis, des trucs. Bonjour. Enfin, je dis bonjour à tout le monde. Ouais. Bonjour, madame. Bonjour. Ça vous va bien? Oh là là, voyons, qu'est-ce qui grandit. Hein. Elles tricotent? Elles font quoi? Elles dansent? Non, du diabolo? Un petit diabolo? Elles enlèvent les mèches. Ah ok, bah. Elles ont pas des couleuvres dans les cheveux, mon dieu. Mais oui, il faut passer au shampoing. Mais oui, mais je sais pas où le dire, voilà. Non, le trauma d'enfance qui est horrible, c'est que donc ma mère a son salon de coiffure et la cuisine, la maison est au-dessus, l'appartement est au-dessus. Et donc ma mère sortait du salon de coiffure. Déjà, j'ai eu le sens de la rupture comique de ma mère, en fait. Parce que ma mère... elle est très... vous allez comprendre. Merci, madame Guillemin. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À la semaine prochaine. Quelle connasse, celle-là. Là. Donc, voilà. Donc, j'ai vraiment capté ce que c'était le chaud et le froid, quoi. Et elle descendait. Et donc, elle gueulait. Putain, les clients, elles me font chier avec leur mèche à la con, là. Putain, allez, je vous sers à manger, là. Donc, très agressif. Vraiment, un contexte très agressif. Et ma mère, donc, n'avait pas le temps de se doucher. Elle nous servait à manger. Et les cheveux des clientes tombaient dans la purée. Et donc, j'étais là, je disais, maman, il y a des cheveux. Oh, c'est bon, ça va. Phrase légendaire, ça va pas te boucher le trou du cul. Alors que si on a beaucoup, si. Ouais, potentiellement. Non, mais des ouais. cheveux, tu sais, un long cheveu orange, un petit. Enfin, tu vois, j'étais. Et donc, dès que je vois des cheveux dans la loge, ça me traumatise, quoi. Donc, j'ai dans ta gueule, Douli, apparemment. Hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est, passé en c'est pas moi. Ça m'allait bien, mais c'est terminé. Mon Dieu. À la maison d'arrêt de Grindignan, une émeute a failli avoir lieu pour une raison entendable, mais assez surprenante. À votre avis, laquelle? Ils voulaient regarder le Koh-Lanta et il n'y avait pas la télé. Non. Mais c'était généralisé? Non, c'était un petit groupe, mais c'est quand même on parle d'une quarantaine de détenus quand même. Ils voulaient faire quelque chose et ça n'a pas été possible. C'est ça. Ok. Une activité un peu, on s'y attend pas. Quoi. Non, c'est pas ça. Non, justement, l'activité n'est pas si folle, mais le fait qu'on leur en prive les a énervés. Ah, on leur en a privé. On leur en a privé. Creuser un tunnel. Alors, c'est pas de goûter, mais tu viens de creuser un tunnel. Faire un petit foot. Ah, on n'a pas le droit. T'as non, dit quoi? Bah non. Vas-y, c'est relou. Rébellion. Non, mais t'étais pas loin. J'ai entendu le début, pardon, me regarde pas. C'est pas de goûter. Chocobon. Des chocobons. Le goûter, oui. Pile dedans. Non, si vous voulez faire une activité, on leur a dit. Un foot. Ça se rapproche de la bouffe. Ça se rapproche du goûter. Pas loin avec le goûter. Pas le goûter. Vous voulez faire des crêpes pour Mardi Gras. Soirée couscous. Non, pas du tout. Soirée raclette. Non. Est-ce que c'est un thème de bouffe? C'est un thème de bouffe? Non, non. Oui, c'est un truc en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une catégorie de bouffe ou c'est genre juste. C'est pas de la bouffe, vraiment. Ils voulaient boire un thé. C'est de la bouffe. Non, c'est de la bouffe. C'est de la le petit déj. Pas le petit déj. Des bonbons. C'était au déjeuner. On va tous les faire hein, de toute façon. Non, c'était au déjeuner. Ah, non, je vais le dire, mais je pense que c'est pas ça. Ils voulaient faire Halloween pour demander des bonbons. J'ai bien aimé que. À chaque lycée, à chaque. Je pense que c'est pas ça. À chaque cellule. Des bonbons ou des farces? Allez, je sors. Ouais, bien essayer. Bonbons ou la mort? Bah, ce sera plutôt la mort, a priori, hein, malheureusement. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme bonbons? Ils ont réclamé un truc qu'ils avaient, ils ne l'ont plus, et ça les a fait péter un truc. Un truc qu'ils avaient? Des frites. Ouais. Très bonne réponse de Douli. Bah, ils réclamaient des frites à la cantine, on peut applaudir Douli. On l'a pas déjà eu dans un podcast, ça? Je crois pas. Non, c'est récent. Hein. Ah ouais. Une quarantaine de détenus du 6e étage du bâtiment A ça devait être dans 300 ont refusé de réintégrer leur cellule en fin de journée afin de protester contre l'arrêt temporaire de cantine. Oh, bon, j'ai fait une tête marrante. Oui, bah, j'imagine. Contre l'arrêt temporaire de cantine de poulet frites, explique le syndicat UFAP UNSA Justice. Il a fallu l'intervention des équipes régionales d'intervention et de sécurité pour intégrer tout le monde en cellule. Pour rappel, président du syndicat, cette cantine de poulet frites est une simple faveur. Aucun cas un dû, mais les prisonniers étaient très agacés de ne pas avoir. En vrai, c'est pas dans 300 une vue quand on y est allé. Non. Il y a pas eu ça? Pas non, du tout. Okay, je croyais. Arrête, t'es fou allié, mon pote. Attends, ils ont. Non, donc c'est pas que les frites, c'est le poulet et les. Poulet frites. Ils aimaient leur poulet frites. On leur a dit, ouais, poulet frites, ça dégage. Attends, il y a des poulets purés. On brûle un gardien. Non, tu pas peux du faire tout. Faire des bonnes blagues à la cantoche. Hé, prisonnier du poulet, c'est à cause d'eux que vous êtes là. Cote. Moi, je ferais ça à chaque plat. Cote. Le poulet, c'est vous qui vous arrêtez. Il vous a arrêté, le poulet. Ouais, merci, Alain. Ouais, on l'avait, Alain. Merci. Tu l'as fait tous les jours. Fallait pas prendre 15 ans. Bah ouais. Oh, bien joué. Mais donc, que les... Putain, le poulet frit. T'as joué, toi, Douli, en prison? C'est un truc qu'on t'a proposé ou pas? On me l'a proposé énormément. À 11 ans. Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, quand vous plantez un gars... Ouais, c'est vrai. On t'a proposé. Oui, mais on me l'a proposé indirectement. Tu vois, c'est pas. C'est-à-dire. Parce que sinon, j'y vais vraiment. Hein, ouais. Ça me ferait. Non, mais Douli n'y va pas. Hein. Mais plein de fois, on m'a dit il faut que tu ailles faire ce plan. Ce podcast devait être en prison à la base. Non, mais fais prison pour femmes, c'est génial. Elles sont adorables, les filles. Les filles sont adorables parce qu'elles sont à l'écoute. Tu les mecs. Alors, j'ai tourné dans une prison pour femmes. J'ai tourné une espèce d'épisode de truc. Juste à tourner comme épisode de truc. Ouais, c'est rien. Ah, c'est un doublage, plus précisément un doublage. C'est un truc que j'ai fait en 5e. Du porno pour les ongles, bon, ouais. Ouais, c'est un truc indé. Je cache tonne de dos. Bon. Non. Qu'est-ce que t'as fait? Elles n'étaient pas non plus des enfants de cœur, quoi. Tu vois non, ce non, c'est pas des enfants de cœur, mais les. Bon, moi j'ai fait. C'était sur 3 jours. C'était en 2009, un truc comme ça, avec Kian et Bunaimin. Et on faisait premier jour maison d'arrêt de Châteaudun. Et le mec qui nous amène, il dit bon, je vous demande un truc, les gars, vous ne demandez pas quand les mecs vont sortir. On dit, ok, petit suspense, et on joue dans un gymnase, Et que des gars, mais vraiment ambiance horrible. Boone n'est pas là le premier jour. Boone, il s'en est bien sorti, non? Non. Non. On est que deux le premier jour. Il y a Kian et moi. Et donc Kian, il dit j'y vais en premier et tout. Donc Kian, il fait un sketch sur un avocat. Qu'est-ce qu'un violeur si ce n'est quelqu'un qui pense pour deux? Et là, il fait une blague sur le viol en prison. Le viol, c'est shitan, ok? Bah oui, de ouf. Bah oui. Mais bien sûr. Et Kian, il dit, il fait j'ai perdu la salle. Ok. Maintenant, le nouvel humoriste, Baptiste de Gaplin. Et je rentre sur scène, et donc j'avais les cheveux plus longs que ça et plus bouclés. Ils t'ont appelé Shakira. Non, mais je suis à... Je rentre sur scène, toute la prison. Tout le monde va y aller. Et donc je suis là, donc je peux pas parler. Je suis, écoutez-moi, s'il vous plaît. Souchon. Et donc, il s'assoit, et il y a un mec qui se lève, fait « Ah, vas-y, on dirait une meuf !» Shakira de Wish. Et là j'ai un truc de défense. Je suis si mes cheveux viennent sur ta tête, on dirait Beyoncé. Et donc là, émeute dans la prison, les gardiens. On se calme. Et donc ils vont. Vous sortez quand, putain, vous sortez quand tous. Non mais du coup j'ai eu la salle parce que je l'ai vanné, je suis avoué que vous aimeriez tous faire l'amour avec moi. Et donc je faisais des blagues comme ça. Je dis, c'est pas faux. Audacieux en prison. Et je fais mon sketch de Koh-Lanta, je sais pas quoi, machin. Et à la fin, on fait un goûter avec les gars. Et vraiment, là. Non, mais il y avait un goûter. Normal, je ramène du cacao, des chocobons. Il y avait des savanes. Oh. Qui est vraiment le gâteau de Tola. Oh. Il y avait que des savanes. Et aussi, c'est la fin de l'année scolaire et on sort un docteur Maboul. Et ambiance vraiment cool. On reste une heure et l'éducateur qui est avec nous, il dit. Kian est venu aussi. Kian était là. Et on était tous les deux comme ça à parler avec des gars. Et il y a vraiment des gars ultra cool. Ils disent, en fait, ce qui était dur pour eux, c'est qu'ils sont à la maison d'arrêt de Châteaudun. Grotesque, et ce truc. Ça faisait 6 mois qu'ils étaient là, et ils étaient en instance de jugement, en fait. Et ils disaient, ça se trouve, je vais prendre 6 mois, mais à l'arrivée, je vais faire qu'un an, et alors que, j'aurais dû faire que 6 mois. Bon, bref, et l'ambiance est très cool. Et un mec est vraiment, il a notre âge, quoi. Mais il dit, ça va, moi, je sors dans un an, c'est cool, après, je trouve un boulot et tout, machin. Il y a un autre gars, il fait, moi, je sors dans 2 ans, mais bon, ouais. Et vraiment, on avait parlé très bien. Et il y a un gars derrière, comme ça, qui a une queue de cheval, une tête de russe et une petite cicatrice, là, comme ça. Et on fait, c'est cool, les gars. Franchement, ça fait plaisir de vous parler, vous êtes des bons gars et tout. Merci. Et on se tourne vers le gars. Et je fais... Ah non. Et toi, tu sors d'un Covid. Attends la réponse. Et lui, il fait, en 2032. Ah la vache. On était en 2009. Et putain. L'éducateur derrière, il fait ça, il entend, il voit que je parle au seul des trucs auxquels il faut pas parler, il a fait comme ça, il a fait. Je rigolais. Ouais, ciao, salut. Et donc il y aura le nouvel iPhone d'ici là. Vous vous souvenez la blague qu'il a fait, Kian, vous vous en rappelez ou pas? C'était pire que ce que j'ai dit. Hein. Le mec, c'est vrai qu'il faut jamais parler de viol. Il nous a engueulé, il a dit putain, mais alors c'est le seul des gars qui fallait pas parler. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a pris 25 ans de prison, à ton avis, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir 25 ans de prison? Bête d'ambiance. En tout cas, il était hyper cool. Hein. Et le lendemain, on arrive à Fleury-Mérogis, homme, qui est une prison horrible, et on arrive à la prison, et Boone, il s'est fait. Hey, le chinois là! Hey, toi là! Avec ta tête de ouf là! Hey, enculé! Hey! Oh! Oh! Comme ça, on arrive, on traverse la cour, on fait. Hey, fils de pute! Et il fait. Qu'est-ce qu'il y a? Ramasse! Ramasse en bas là! Et il y avait que des chaussettes et des portables. Parce qu'il se passe les portables comme ça. Mais... Ramasse celui-là, celui qui sonne. Et Boone, il fait lequel? Hop là, complice, tôle. Hey, mais il voit rien. Hey, avec tes yeux de chinois, enculé, va. Et donc, nous, on a un spectacle à toutes. Hein. Et je pensais qu'il... Ah, vous avez distribué des flyers? Ouais, c'est très dur en même temps. Les gars, ils ont menti. Ils avaient dit, c'est le Jamel Comedy Club qui vient. On arrive dans la chapelle, il y avait 14 personnes. Tout le monde fumait de la drogue. Moi, petit côté poucave, je fais, madame, il fume de la drogue. T'as fait ça, toi? Elle me dit, il fumait la weed. Moi, je fume pas. Mais moi, j'étais défoncé, je rentre, je suis défoncé. Elle nous dit, mais ça les calme. Bah oui, évidemment. On rentre sur scène. Kian fait, bonsoir à tous, ça va bien? Alors, j'ai une blague, mais je vais pas la faire. ça va bien. Tu dis ça à des tolards. Non, faut pas poser la question. Et il y a un mec qui fait, il est où, Patson? Patson, il est pas là. Ouais, bande d'enculés. Ouais. Et ils se sont assis comme ça, et on n'a pas eu un rire. Pendant une heure et demie, on avait 14 tolards qui nous regardaient comme ça. Et donc on dit bon bah bisous. La police c'est le 17 au cas où, bisous. On est parti un peu en étant, tu vois, ouais, en bombant un peu le torse, tu vois. Mais on s'est fait insulter en sortant de la prison et tout, c'était horrible. Quelqu'un qui a sûrement fini en prison également. Voilà, je leur ai parlé. Au marché. Attrapé derrière le nœud là. Vous êtes un courant d'eau, je suis Michael Phelps. au marché de Noël des allées de Tourny, on connaît Bordeaux. Il y a pardon, j'ai pas le marché de Noël des allées de Tourny. Voilà, tout simplement. Des allées de Tourny. Les allées de Tourny. C'est un truc dans Bordeaux, quoi. Il y a quelques années, il n'y a pas eu de Père Noël pour faire des photos avec les enfants. À votre avis, pourquoi? Parce qu'il était pédophile. Non, voilà. Mais Douli. J'ai dit non, j'ai préchoté un petit peu. Donc non, c'est pas ça. Il mettait des petits doigts dans le péteux. Non, la il mettait aucun doigt. J'avais la souris un petit peu. Non. C'est que j'ai pas de traîneau. On essaie de rester relativement feel good généralement. Dans ouais. Imite Mitterrand, imite Mitterrand. Ouais, ouais. Ouais, Père Noël, ouais. C'est quand même autrement plus cool qu'aimer Dubosc. Oui, bah, c'est quand même... Allez, à mon époque, c'est chambé de faire ça. Pourquoi il n'y a pas eu de Père Noël? Non, le maire, comme le maire est écolo, il n'y avait pas de sapin de Noël. Ah non, non, le Père Noël a fait un truc illégal. Ah oui, il y a un Père Noël qui a fait un truc illégal. Pas un truc sexuel, voilà, mais il a fait un truc illégal. Il a tué quelqu'un. Il n'a pas tué quelqu'un, mais il a failli. Il a volé. Non, pas drogue, pas drogue. Attends, c'est pas du vol? C'est pas du vol. C'est illégal, c'est pas du vol. C'est une pièce de sexe. C'est pas du sexe. Il y a d'autres crimes. Ah, tu sais qu'il y avait une patate à des gosses. Il y avait un tueur en série comme ça, allemand. Je sais plus comment il s'appelait. C'est bizarre. Apprêtez-vous peut-être à couper le micro au cas où. Non, c'est pas des qui était mon maître de stage. Non, mais faut savoir que Douli est fan d'histoires criminelles, c'est ouais, vrai. Bah, t'adores Ondelat pour le coup. J'adore ça, moi je m'endors tous les soirs avec des podcasts. Ouais. De ça. Avec Ondelat raconte, hein, ouais, des gens, des meurtres violents. Ondelat est génial parce qu'il fait les persos et tout. Et bah, oui. Pas, voilà, bon bref, on va pas. Et du coup, ce mec, je crois qu'il s'appelait l'infirmier de la mort ou un truc comme ça, il l'avait baptisé comme ça. Il a été relâché après genre 15 ans et il s'est reconverti en Père Noël pour vraiment. Et personne ne savait parce qu'il avait changé de ville et tout. Mais il a vu d'apparence aussi. Et personne ne savait ça. C'est très angoissant quand même. Le mec faisait. Il avait plus rien à peine. Oui, peut-être checker le background des Père Noël. Oui, et le journaliste l'avait interviewé. Il était toujours pas bien, le mec. Ah oui, voilà. Parce qu'il était. Non, non. Il disait moi, je vois des lumières autour des gens qui vont bien. Et tout. Enfin, ça n'allait pas bien. Les gosses qui vont pas bien, je les plante. Moi, je vois les enfants qui sont sages. Bah, en fait, c'était le vrai Père Noël. Ouais, ouais, j'ai l'air d'un ouf. Mais... J'ai un pote qui a un fouet. Il est tabassé s'ils sont pas passe par la cheminée. Enfin, je suis un malade, quoi. Non. Non, il a fait. C'est pas le vrai Père Noël. C'est pas un vol. C'est pas un meurtre. C'est pas un crime sexuel. Non. Donc, il a tapé. Il a pas tapé. Il est gay. Il a un tapage nocturne. Il l'a vraiment fait au marché de Noël. Donc ah, il était ivre sur la voie publique. Alors, il était pas ivre. Il a pissé. Il a pas pissé. Est-ce qu'on se rapproche de quelque chose ou pas? Vous étiez plus près que la pisse. Vous étiez plus près tout à l'heure. Décevant. Il a pété sur un bébé. Non. Oh, il est mignon ce bébé. Mais t'as eu raison de nous le mimer parce qu'on n'avait pas le. Je voyais pas du tout où tu voulais en venir. Là, comment et tu fais le même bruit pour le pec que pour l'éjaculation. Mais... Excusez-moi, pardon. Non, c'était au marché de Noël et il a fait quelque chose. Et il a fait quelque chose, la police a dit bon, bah là, on peut pas le laisser faire ça. Est-ce qu'il a. Il a détruit quelque chose? Non, il a fait. Non, mais. Il a fait quelque chose avant de passer à l'acte. Voilà, il a pas pu passer à l'acte, mais il aurait pu faire une connerie. Ah, en donnant chaque cadeau, il disait à la Wakbar. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Il avait une arme, il avait un couteau, il avait un flingue. Alors, je vais vous raconter cette petite. Il y a une calache. Tu l'as. Non, il faut trouver le modèle. Tout comme exact. Et vous avez Beretta, un fusil d'assaut. Un Beretta. Tout commence dimanche matin vers 7h30. Après une altercation qui a mal tourné, le Père Noël, appelons-le le Père Noël, menace avec un fusil tiré non de sa hotte mais de sa voiture, nous précise le journal. menace avec un fusil le vendeur de sapins installé à côté de son chalet. Putain, c'est drôle. Il s'agit de son employeur. Ah. Qui l'a, l'a engagé. L'employeur du Père Noël, du coup. Quand qui... j'ai dit ah, là, je pensais que c'était un mème. Oui, oui, voilà. T'étais Denis Brognard, ouais, plus ou moins. Voilà. Mais disons, le Père Noël, il a changé. Voilà. Ouais. Florence Cambon, responsable de la communication du marché de Noël, nous explique. C'est une affaire de famille. Ah, arsenic. Le revendeur de sapins est en effet le neveu du Père Noël. Le Père Noël, âgé de 53 ans et officiant ici depuis 3 ans, aurait eu des problèmes de rémunération. Il se serait senti floué. L'arme de chasse qu'il tenait n'était heureusement et intentionnellement pas chargée. Retenu plusieurs heures en garde à vue, le Père Noël sera relâché. La procédure a été transmise au parquet de Bordeaux pour étude. Le neveu a porté plainte pour violence volontaire. Voilà. Et, il a raison, il l'a pas payé. Donc fusil. Ouais. Ok. Bah, il était pas chargé, ça va. Ça va, tranquille. On va passer à un nouveau jeu, d'accord. À qui est cette anecdote? Le concept est très simple. Je vais vous donner des titres d'anecdote, à vous de deviner à qui cette anecdote appartient. Voilà. Sachant que, bien évidemment, si cette anecdote, pardon, est la vôtre, vous devez vous défendre en disant, mais bien sûr que non, c'est pas moi, c'est un tel ou une telle, etc. Mais, pour jouer à ce jeu, nous avons décidé de jouer avec quelqu'un du public. Comment t'appelles-tu? Peter. Peter, enchanté Peter. J'aurais presque pu être flic à Bordeaux. Ma meuf habite à Los Angeles. C'est vrai? Ouais. Oh, wow. Donc, relation à distance, c'est galère? Ouais. Ouais. Pendant le Covid. Ah ouais? Ah. Mais tu joues en niveau difficile, Peter. C'est incroyable. C'est incroyable. T'as la manette Big Ben, j'ai l'impression. Ah, tu l'as mis. Assieds-toi, Peter. Assieds-toi. Bah, il fait ce qu'il veut, bon sang. Non, assieds-toi, je suis mesmer. Assieds-toi. Assieds-toi, fais une omelette au lardon. Alors, si je vous dis, j'étais en cours avec la chanteuse de Superbus, votre avis, laquelle? Alors, sachant que... La chanteuse de Superbus, c'est la fille de Chantal Lobby. C'est ça, exactement. Ça, c'est Baptiste. Ça, c'est forcément Baptiste. Ça, c'est forcément Baptiste. Oh, donc, la fille... Donc, Chantal Lobby a grandi en Basse-Normandie. Écoute, ah oui, c'est vrai, putain, t'étais pas là. Ouais, bah, pourquoi sûr, pas, non, j'en sais rien. Moi. Bah, elle avait très souvent à la Chabat au Mont-Saint-Michel. Adrien, est-ce que c'est toi, Adrien? Non. Prouve-le. Voilà. Différence d'âge, quand même. Oh oui. Tu retournes. Non, effectivement, je pense que oui. Ouais. Clairement, elle est plus jeune que moi. Attendez, c'est dans la même classe ou dans le même établissement? Bah, je sais juste que, en tout cas, l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, oui, était en cours avec la chanteuse. Était en cours, dans la même classe. Je pense. Donc ça peut pas être moi. Peter. Alors, sachant qu'il y a aussi. Ouais. C'est peut-être moi. Il y a aussi certaines anecdotes qui sont purement et simplement inventées par ma personne. Oh là là. Ça, j'aurais dû préciser avant. Ça peut être une, une de tes anecdotes à toi. Ça peut être une anecdote à moi. Ah également, oui, ouais, effectivement. Également. Mais moi, coup, j'étais en Bourgogne, donc Chantal Lobby n'a pas vécu non plus en Bourgogne. Ou alors, elle a des maisons partout, ce qui est possible. Ouais, elle avait une double vie, peut-être. Alors, à ton avis, Peter, qui a fait ça? Bah, le plus probable, ce serait quand même Baptiste. Baptiste, tu es sûr de ta réponse? Ouais. Eh ben, c'est Douli. Voilà, c'est oui. Douli. Elle n'a pipé mot. Et comme ça, tu vois, tu n'as pas cru que c'était elle. T'as vu, c'est fou. Tu étais en cours avec comment oui, ça c'est... Jennifer Ayash. Oui, c'est ouais. ma pote de collège. Ouais. Et bah d'ailleurs, la prof de maths avec les bougies dans la chatte, c'était avec elle. Mais elle l'a mis dans aucune chanson. Butterfly, ça passe peut-être mieux. Peut-être le titre de bougie son prochain dans la chatte, bougie dans la chatte. Jennifer, on va appeler ça Butterfly plutôt. Ok. Non, mais je suis pas fermé. Mais du coup, on répond chacun notre tour, c'est ça? Oui, chacun donne un peu son avis et c'est Peter qui tranche. Voilà, c'est Peter. Okay. Peter, pour le moment, tu as zéro point. Mais s'il y a que lui qui joue, du coup, il peut que gagner, de coup. Non, mais il a gagné déjà. Je suis d'accord avec cette règle, hein, perso. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. C'est bien. Tu voulais le t-shirt, Thierry? Mais pas du tout. Patrick Balkany. Ah, on dit les termes ici. A imité le crapaud devant moi. Qui ça concerne? Florent, c'est Adrien, Douli, Baptiste, moi-même, ou ai-je inventé totalement cette anecdote? Toi, tu peux être dedans. Ah ouais, moi j'ai fait des trucs de fou dans ma vie. C'est Peter. C'est Peter, c'est toi. Non, c'est pas toi. Non. Bon. Je me demande parce que tout à l'heure, on a dit Balkany. Pour ouais. moi, c'est Baptiste ou Flo. Ouais, Baptiste. Parce que. Ça pense Baptiste ici? Non, moi toi. Je pense Baptiste. Oh, ouais. Moi ou ouais, t'as vu comme il essaie de dire. Mais c'est vrai que j'ai bossé à Webedia. T'as une tête fausse innocente. Ouais, t'as bossé à Webedia le Valois. C'est ça. J'ai bossé à Webedia. Les locaux sont à Levallois. À Levallois-Perret. Mais t'as une tête de fausse innocent. Quoi ? J'ai une tête de faux innocent, moi ? Et de vrai coupable. Tête de coupable. Il n'y a rien dit, là, tu dis rien, tu chopes... Bah non, parce que je ne vais pas prendre le crachoir tout le temps. Ça ne te ressemble pas. Oui, c'est vrai que c'est très, très suspect, ouais, du coup. Alors, à ton avis, Peter, lequel d'entre nous, Adrien, c'est toi ? T'as été animateur pour enfants ? C'est pas moi. Quel rapport ? Non, mais est-ce que t'étais à Saint-Germain pour... Je veux pas te perdre, Peter, mais c'est vrai que t'étais pas loin de Levallois non plus. C'est assez loin, en vrai. Ah ouais ? Ouais, quand même. Pour moi, t'es au-dessus du périph', y'a... Non, c'est vrai que, enfin, géographiquement parlant, ce serait plutôt toi, du coup. C'est donc, tu penses que c'est moi ? Ouais. Un zéro pointé, Peter. C'est Baptiste Le Caplain. Baptiste Le Caplain. Je connais cette tête de Mais oui, non, mais c'était fou. Il a arrêté de parler, c'était ta raison. C'est ça l'instant. T'aurais dû écouter ta première intuition. C'était absolument fou comme moment. J'ai été animateur à Levallois-Perret, et à un moment donné, il y a une journée qui est organisée, on fait un chamboule-tout sur la place de la mairie, et les gosses jetaient des trucs en disant « Ah, bravo, t'as gagné. Mon père, il gagne 12 000 euros par mois. » Ok. Donc les gosses nous méprisaient, mais vraiment. Tu veux jouer ? Ça me saoule, ce jeu. Moi, plus tard, je serai actionnaire majoritaire. Ok, très bien. Et donc, mais vraiment, les gosses étaient vraiment... vraiment... Enfin, c'était horrible. Et à un moment donné, il y a... moi, je peux jouer. Je fais... Hop ! Patoche ! Je fais... Ah ! Je la fais je fais à mon animateur. Putain, c'est Patrick Mercadi ! Mais vas-y. Vous voulez jouer ? Et moi, je fais... Je lui tends les... Je lui tends mes couilles, en fait. C'est le maire de la... Il me dit, ah, t'es un suceur. Je dis, bah, c'est le maire de la ville. On est sur le parvis de la mairie. On le fait jouer, tu vois. Après, pour ta défense, à l'époque, il avait déjà de nombreuses casseroles au cul. Merde, je lui dis, vous voulez jouer ? Il me fait, oh, c'est quoi ? Faut viser des crapauds ? C'est ça, faut viser des crapauds ? Je lui dis, ouais, faut... c'est un chamboule-tout, en fait. Et il me fait, oh, le crapaud, c'est comme ça. Je fais non, faut viser le. Faut pas mimer le. Il avait 5 ans, l'animal. Il avait 5 ans à l'époque. Non, mais il s'est. Vraiment, il a fait le crapaud, puis il est parti. Voilà. C'était mon seul. Mais ça suffit. Et je l'ai revu après en prison. Quand... Ah oui, bah c'est lui qui a dû faire les blagues à Boudaïmine, oui. Ça lui ressemble bien. C'était fou. Si je vous dis. Ah oui, grain de riz. Si je vous dis, j'ai pissé dans une gourde, à votre avis. Ça, c'est toi, ça, chérie. Non, c'est toi. Ça, c'est toi, ça, chérie. C'est Oudouli, gros pisseur. Non, pour moi, c'est toi, Flo Oudouli. C'est toi, vers 6-7 ans, pour de l'argent. Je te sens dans ou alors Flo. Je te sens dans la rando. En rando, tu pisses dans la nature. Mais peut-être en gourde. C'est vie, serait bizarre qu'il pisse dans une gourde. Oui, mais dans la tente, par exemple. Pas le courage de sortir de la tente. Mais pourquoi ? Pleine nuit. Mais il y a un ours. Il y a un ours. Oui, un ours. Tu pisses dans ta gourde. Non, mais c'est rare, les ours qui attendent près des tentes. Ils disent, le prochain qui sort de la tente, je vais me le faire. Tout à l'heure, quand c'était toi, il y a pas de sniper ours. Mais t'imagines, pour une nana, la galère que c'est de pisser dans une gourde. C'est faisable. Il y avait pas. Douli, tu fais du rock acrobatique. Il y avait pas. Donc, non. Tu peux... Il y avait pas de pisse debout à l'époque. Non. À l'époque de quoi, Douli ? T'as pissé dans une gourde. À l'époque de quoi ? Quelle époque, ouais. C'est vrai d'ailleurs, parce que t'as dit ça. Allez, grosse pisseuse, va. Non. Enfin, c'est très offensif comme tu l'as été tout à l'heure quand c'était toi. Oui, mais parce que ça sent l'anecdote déjà. Non, ça sent la vieille anecdote. Et Flo se frotte bien les mains. Flo, je ne pas de son compte. Je sais pas. J'ai des doutes sur toi quand même, Loulou. Peter, c'est toi qui décides. En fait, chacun a des arguments. Parce que Adrien, moi, je le vois bien écolo, qui ne veut pas, qui veut garder sa pisse pour plus tard. Ah, il va chercher. Adrien, allez, ramène ta gourde. On peut vous le dire, ramène ta gourde de pisse, Adrien. C'est pour ça que tu m'as le crédit agricole de la pisse. Allez, M. Méniel, vos côtes sont pleins. Hein. Non, mais tu pisses donc dans moi, écolo, je garde ma pisse, donc vas-y. Ouais. Mais pourquoi tu gardes ta pisse, toi ? Je suis pas écolo, donc je sais pas. Okay. T'envoies ta pisse à ta meuf, gros pisseur de gourde. Dans des... Ce qui se passe entre Bordeaux et Hélène, regarde qu'elle et moi, ok ? C'est vrai, c'est vrai. Douli, en fait, c'est vrai qu'elle s'est défendue assez. C'est dur de pisser dans une gourde. À cette époque-là, c'est surtout moi, à cette époque-là, ça n'existait pas, les pisses debout, effectivement. Regardez-le, le scénariste d'un couteau tiré. La version française, elle est pas folle, t'inquiète. Et Flaubert, bah, il a vécu en Bourgogne, quoi. Bref. Flaubert, donc, ce que vous appelez des toilettes, il a fait ça une gourde, mais voilà. Bah, écoute, c'est toi qui décides. Donc, ça ne peut pas être Baptiste pour toi du tout. Qui est resté. Très silencieux. Ouais, encore. Non mais moi je bois pas d'alcool, je vais pas boire ma pisse. Attends, c'est pas ça l'anecdote. On a pas dit qu'elle était bue. On n'a pas dit qu'elle était bue. Alors, je ne sais pas l'intégralité de l'info, mais dans ma tête, elle n'est pas bue. C'est ça, elle est finie, la citation. C'est juste, j'ai pissé dans une gourde. Oui, oui, c'est un nouveau jeu qu'on fait. L'intitulé est un peu particulier, il faut que tu devines qui c'est. Une chanson de Benabar aussi, d'ailleurs. J'ai pissé dans une gourde. J'ai pissé dans... Non, c'est plus Ronan Luce. J'ai pissé dans une gourde. Mes voisins et voisines, c'était tout jaune. On aurait dit de l'oasis. Oasis, oasis. Oh, non, c'est Carlos. T'en prends. Merci. Il doit bien se marrer là-haut. Ouais. Avec Sim et des proches. Oh, oui. Donc, à ton avis, Peter. Faut qu'on rende la salle. Peter. Ouais. Sans te tresser, bien sûr. Dépêche-toi, parce qu'il y a Coldplay demain. Il y a Garou demain, il y a Garou. Ouais, y a Garou. Ce qui est Coldplay, mais en France. Non, je vais rester avec Douli, la défense de. Douli, la pisseuse dans la gourde. Non, ça n'existait pas à cette époque, le pisse ah, Douli. Oui. Oui. Ouais. Mais non, mais. Donc tu penses que c'est Douli? Parce que ça sent vieille anecdote. Merci. C'est Adrien Méniel. Mais je le savais, putain. C'est terrible, Peter, parce que. Pourquoi? Ton premier instinct. Okay. C'était mon premier love, Peter. En fait, tu l'as dit, en fait. C'est juste que j'étais pas dans une tente, j'étais dans mon camtar. Ah, tu vois, c'était il y a un mois. Hein. Je vous le dis, c'était il y a un mois. Voilà. T'avais pas eu le courage de sortir. J'étais dans les Pyrénées, j'étais dans un espace où il y avait déjà 5-6 véhicules qui étaient d'habitude. Bon, je sors et tout, mais là, un peu la flemme de sortir. Voilà. C'est exactement ce que t'as dit. Et j'avais prévu une petite gourde et j'ai pissé dedans. Voilà. Exactement. Deux fois. Et comment tu réutilises cette gourde après? Ah non, mais c'est pas une gourde dans laquelle je bois d'habitude. Ah, c'est ta gourde à pisse. C'est ma gourde à pisse. Par la force des choses, désormais. Mais qu'un égyptien dans Astérix d'ailleurs, gourde à pisse. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Ah putain. Et donc, ouais, deux fois dans la même nuit par contre. Donc la deuxième fois, j'ai juste ouvert la porte, j'ai vidé ma pisse. C'est pas le meilleur moment de ma vie. On était sur une grosse flemme. Mais attends, parce que t'as fait autre chose aussi cet été, dis donc, t'as pas déféqué auprès d'un truc? Bon bah ça va. Baptiste, on a cette date, gardons-en de côté. Excuse-moi, est-ce qu'il nous a envoyé une carte postale? Je ne crois pas. Qu'est-ce que t'as fait cet été? Bon, j'ai chié au pied d'une éolienne. Qui chie en bas d'une éolienne? Mais une autre chanson de Benabar, d'ailleurs. Ouais, ouais. Chie en bas d'une éolienne, ça diffuse le caca partout. Les écureuils. Non, Benabar, tu bosses plus les textes, hein, Benabar, là, je crois. C'est Benabar qui joue un BDK d'homme, en fait. C'est un peu la flemme. Mais mec, c'est fou de chier en bien d'une éolienne. Non, j'adore les éoliennes. J'en envoyais une pour la première fois. Je me dis, t'as trop bien une éolienne. Et il se trouvait que j'avais roulé toute la journée. Mais lis l'équipe. Ne regarde pas une éolienne en chiant. Si je vous donne. Mais il adore les éoliennes. C'est le côté écolo. Il a... Ah ouais, tu vois, on y revient. J'adore Jessica Alba. Je vais pas chier sous Jessica Alba. Mais oui, mais. Merde, spoiler. C'était le. Bon, tant pis. Ça, c'était hier. J'enlève. J'ai sauvé un vieux d'un incendie. Ah ouais, on a des héros dans la salle. Bah, vu que c'est un truc stylé, je dirais que c'est toi pour te faire pousser. Ouais. J'aime bien, c'est tout le monde. J'ai pissé, j'ai chié dans mon bed. J'ai sauvé une vie humaine. C'était moi. Il y a aussi des choses fausses. Ne jouons pas, c'était moi. Moi, Florent Bernard, le scénariste de Jack Nimoun au cinéma. C'était moi. Non, non, j'ai sauvé un vieux d'un incendie. Ah, il vient de le dire. Non, non, attendez. Ah, il est fort. Non, c'est l'un d'entre nous, effectivement. Ça peut être moi, effectivement. Et là, pour le coup, je ne l'ai pas inventé, sinon ça manquerait un peu de fun. Ok. Moi, j'ai l'impression que c'est toi. Bah, peut-être c'est moi. Si c'est toi, c'est honteux, vraiment. que t'aies donné ça comme c'est anecdote. C'est vraiment honteux, gars. Si c'était moi, je te l'aurais déjà dit, Adrien. Je t'aurais fait chier avec ça tout le temps. En vrai, ouais, t'aurais dit un truc honteux te connaissant. Mais peut-être que justement, tu t'es dit, attends, ils s'attendent à ce que je dise un truc honteux. J'aurais fait une de mes fameuses transitions, un vieux bordelais. Au passage, tiens, j'ai sauvé un vieux. Oui. Vous avez déjà sauvé des vieux? Parce que moi, ouais. Parce que moi, j'ai fait ça une fois. Mmh, c'est Baptiste. C'est Baptiste, c'est Douli, c'est Adrien, c'est moi. Ah, remarque, non, ah, Douli, peut-être. Un vieux qui habitait avec toi. Mais regarde-moi. Un autre vieux qui habitait aussi avec toi, qui a mis le feu. Est-ce que j'ai vraiment la gueule de pouvoir sauver un vieux? Bien sûr. Quand elle était pompier, à 6 ans. Tu l'as juste appelé, t'as dit faut sortir. En fait, je passe pour une grosse pitomane. Non. Non, je dis c'est Douli, moi. Je sais pas pourquoi. Douli, Baptiste, t'as vraiment dit? Je sais pas. Ouais, moi, je pense que c'est Doudou, ouais. Baptiste. Oh, Peter, est-ce que tu suis la vie générale? Je n'ai pas la force. Mais pour moi, un vieux ne brûle pas. Hein. Non, mais ils ont toujours des bouillottes. Donc là, déjà, la bouillotte va péter, ça fait une mini flaque d'eau. Plus la pisse. Ah, donc tu penses que c'est Baptiste? Un vieux qui brûle. Non, c'est pas moi. Bon, Peter, quelle est ton analyse, Peter? Un vieux qui brûle. C'est dur, hein. Tout est sur tes épaules. Tu gagneras le t-shirt quoi qu'il arrive. Pour le sport, c'est vrai que ça serait. T'as donné des anecdotes vraiment pourries pour tout le monde. Ouais. Et juste. Ce serait fou. C'est la dernière ou il en reste après? Il y en a encore deux. Allez, c'est toi. C'est Douli. C'est Douli. Ah non, moi, l'anecdote, j'ai laissé non. cramer un vieux. Ouais. Je l'ai regardé. Non, j'ai... mais moi, je l'ai laissé cramer. Parce alors, que toi, t'as écrit j'ai sauvé un vieux, mais en vrai. Bah, non, t'as non, essayé non, de sauver. Non, t'inquiète, tout va bien. Je pense c'est que... bon, à chaque fois, c'est mais genre, comment tu peux mort, sauver un vieux du feu et leur prendre la place dans le bus? Je suis handicapée, ça n'avait rien à voir. Non, c'était il y a longtemps. Et là, vraiment, pour le coup, non, en fait, la conclusion de ce truc, c'est qu'on devrait avoir des cours de panique. Parce que vraiment, j'ai fait. Non, mais des cours de réaction dans oui, la panique. Parce que panique, j'ai fait de la merde. Je rentrais d'une soirée. Ça serait génial. Ah, c'est toi qui avais mis le feu, malheureusement. C'est moins héroïque, du coup. C'est vrai que j'ai sauvé un vieux. Mais c'est quoi le cours de panique? Mais non, mais le cours de panique, on te met dans des situations de stress et il faut réagir. Parce que vraiment, on n'a pas ce truc-là. Et on a tendance à faire de la merde. Et du coup, cette ce introduction ne présage rien de bon, mais vas-y. Non, du coup, je rentrais de soirée, tu sais, et j'étais sur ma mezzanine, et je commence à sentir le cramé. Donc, je me dis, oh là là, c'est chez moi, forcément. Bon, là, finalement, c'était pas chez moi. Forcément. Et là, forcément. du coup, je sors un peu dans la cour, j'étais en slip et tout, et je vois une espèce de fumée qui sort d'une fenêtre, mais aucune panique, tu vois, donc pas de cri d'incendie et tout, tu vois. Donc, je me dis, oh, c'est un poulet qui a brûlé dans le four et tout. À 3h du mat. Bien sûr. Bah, alors, pour la prison, du coup, il est coup... Du coup, je me dis, sur un malentendu, quand même, je vais aller vérifier, tu vois. Donc, je monte et tout, je calcule où c'est, parce que c'est des vieux immeubles, tu ne sais jamais. Et je toque à la porte, et là, t'as une vieille, vraiment avec les cheveux tout hirsutes et tout. Enfin, elle était en panique, et elle me dit, c'est chez moi l'incendie. Je lui dis, mais ça va, madame? Elle me dit, bah non. Non, non, bah parce que ça pouvait être, c'était va, chez moi l'incendie. Super, bah, okay, bonne nuit, hein, salut. Ils sont morts tous les deux. Non, mais ça pouvait être, c'était chez moi, ça y est, c'est bon, j'ai éteint le poulet, tu vois. Le mot incendie. Oui, et du coup, je lui dis, mais ça va, madame? Et elle me dit, oui, ça va. Mon mari est en flamme, mais ça va. Je vous promets, véridique, comme ça. Je dis, mais ça va pas du tout, du coup. Elle dit, ah oui, maintenant que j'y repense. En le disant à haute voix. Oui. Et moi, à ce moment-là, je sais qu'il y a un vieux qui prend feu, qui brûle. Hein, et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Qui n'est pas cascadeur, c'est vraiment pas du tout. Qui n'est pas du tout cascadeur. Et du coup, au lieu d'aller éteindre le mec, d'aller éteindre le mari en flamme, je suis descendue chez moi pour chercher mon portable, pour rappeler les pompiers. Ah. Je veux dire, un vieux ne brûle pas pendant 20 minutes. Enfin, je veux dire, non, mais à un moment donné, il brûle vraiment. Si t'as écouté, on l'a, tu sais que ça met très longtemps à brûler encore. Du coup, je vais chercher mon portable, je remonte. En remontant, j'appelle les pompiers. Et voilà, j'en dis vite, il y a un vieux qui brûle. Et là, non, et j'arrive, je dis à la vieille, il est où votre mari? Que je l'ai... Et elle me dit, il s'est éteint. Je vous promets que c'est vrai. J'ai dit, mais il s'est éteint. Enfin, je dirais, il y a deux sens, il s'est éteint dans quel sens? Elle me dit, non, c'est bon, il est éteint, quoi. Il nous a quittés. Il est mort. Non, il est parti en feu. Raymond Devaux. Il a fait ses valises. Alors, il était on en était flamme, sur le Raymond Devaux, c'est exactement. Et du coup, vieux faisait très très peur parce qu'en fait, il était tout brûlé, tout carbonisé. Donc, il avait la couleur de cette bonnette. Et il s'était endormi sur un canapé. Et là, il y avait une la clope. Lampe à huile. Non, qui avait une lampe à huile. C'était des vieux, chérie, ils avaient encore une lampe à huile. Ouais, ouais. C'est une coupe à l'hôpital. J'avais 8 ans. Non, je vais avoir 25 ans, un truc comme ça. Et alors, et je l'ai assis dans un. Alors, première anecdote où t'es là, majeur. À ce moment-là, il fallait que j'éteigne le feu quand même. Il fallait que j'éteigne le feu quand même parce qu'il y avait un vrai incendie dans l'appart. Donc j'étais là avec les seaux d'eau et tout, machin. Et j'avais installé le vieux au bout d'un long couloir comme ça, sur un rocking chair. Et c'était horrible parce qu'il faisait très très peur. On boit, donc. À chaque fois que je croisais le vieux, il se balançait comme ça. Mais attends, mais c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur indépendant, le truc. Ah, l'enfer! Non, les pompiers ne venaient pas. Et la vieille, à un moment donné, elle vient, elle m'embrouille. Elle me dit, mais vous n'avez jamais appelé les pompiers? Et moi, j'étais là en train d'essayer d'éteindre son feu et tout. Je dis, mais c'est vrai, ils sont où les pompiers? Ils s'étaient trompés de numéro. Ils étaient au 26 alors que nous, on était au 16. J'ai dû aller les chercher en slip et tout. Enfin, c'était l'enfer. Vraiment. Elle a tout donné et pour ça, on peut t'applaudir, Douli. Moi, je... Peter.